messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous vous prions de vous assurer que vous n'oubliez rien à bord et de préparer vos passeports. La température au sol est de 25 degrés. Nous vous prions de redresser vos fauteuils, d'éteindre vos cigarettes et d'attacher vos ceintures. Merci. Nous espérons que vous êtes satisfaits de votre vol et souhaitons vous revoir prochainement sur nos lignes. Ladies and gentlemen, we will soon be arriving at Roissy Charles de Gaulle Airport. Would you kindly have your passports ready and ensure that you have all your belongings? The ground temperature is 25 degrees Celsius. Please ensure that your seat backs are upright, your seat belts fastened. Sûrement, en dépêchant. Bête! J'adore le yogourt au petit déjeuner, pas toi? Ah non, pas spécialement, non. Oh, tu verras, Bernard Darling, que tu y viendras à la cuisine américaine et au régime diététique qui font une peau jolie. Ah, c'est le contraire. Comment le contraire? Ça fait de peau vilaine. Mais non, le contraire. Je veux dire, on a une jolie peau, pas une peau jolie. Ah oui, pourquoi? Ah ben j'en sais rien, c'est comme ça. Monsieur m'a appelé. Allez, vous apporterez un autre yogourt pour mademoiselle Jeannette? Oui. Et aussi d'autres cornichons pour tremper dedans. Oh non, des cornichons, il y en a encore. Ah, ça oui, et plus qu'on ne croit. Hein. Enfin, chacun vit comme il l'entend, je suis pas là pour réformer le monde. Eh oui, on le sait, allez. Bon, alors encore un pot comme ça. Oui, Bertie. Vous allez vous rendre malade à manger ça. Hein. Non, mais attendez, on vous demande des yogourts pour le petit déjeuner, donnez-les sans discuter. C'est pas vous qui les mangez, alors. Bah, heureusement. Bon, allez, dépêchez-vous, mademoiselle est pressée. Oh oui, Bertie, sans ça, je vais rater mon avion. Oui, ben on y va, on y va. C'est pour une vie, pour une bonne ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, y a rien, y a rien. Oh, vous m'avez toujours de mauvaise humeur. Oui, tu le sais. C'est ennuyeux. Mais non, c'est son caractère, elle est comme ça. Ben, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Oh, mais si. Seulement, elle est toujours un peu étonnée de ce que tu manges, voilà tout. Ah non, merci, non. Jamais le matin, pas les cornichons, merci. Quelle heure est-il, chérie? Moi, 25. Alors, ça ira tout juste. Quand je suis avec toi, je ne vois pas passer le temps. Oh, mais c'est gentil, ça. Ah, tu es sage quand je suis pas là. Moi? Et comment? Tu es très sage? Ah, mais oui, très très sage. Voilà le laitage de mademoiselle. Merci, Bertie. Ce sera tout. Non, non, non, vous me redonnerez du café et de la limonade pour mademoiselle. Oh non, merci, chérie, j'ai assez bu. Encore une chance. Comment? Rien. Oh non, mais elle n'est vraiment pas très aimable. Oh, mais non. Oh si, je t'assure. Quand j'arrive, elle paraît toujours affolée. Quand je suis là, elle se calme un peu. Et puis quand je vais partir, elle devient désagréable. Ah, mais c'est parce qu'elle est triste que tu parles, voilà tout. Non, il est bien certain que si j'étais tout le temps là, ce serait différent. N'est-ce pas, darling? Oui, oui, tout à fait différent. Le jour et la nuit, oui. Dis-moi, en fait, quand est-ce que tu rentres? Eh bien, c'est samedi, aujourd'hui, je serai à New York à 17h08. En principe, je dois aller jusqu'à Los Angeles, mais juste aller et retour. Ouais, ça c'est bien, ça nous met à quand alors? Ay, de toute façon, je serai de nouveau ici lundi et je repartirai mercredi soir. Très bien, c'est bien lundi. Tu dis lundi à quelle heure? Et comme le lundi, chérie, 18h30, heure locale. Bien, très bien, fin de journée, c'est bon ça. Mais et pourquoi est-ce que tu notes ça? Bon, ça va, faut pas confondre. Pas confondre? Ah oui, de manière à m'arranger pour mes affaires. À être libre quand tu l'as. Tu sais que tu vas finir par le rater, là. Hein? Tu me chasses? Oh, mais non. Bah, bavardez, le temps passe et les avions s'envolent. Voilà le café. Oui. Merci. Bertie. Yes, miss. Vous prendrez bien soin de monsieur, n'est-ce pas, pendant mon absence? Oh, bah, et comment donc? Mademoiselle peut compter sur moi. De toute façon, monsieur n'a pas besoin de moi pour prendre soin de lui. Monsieur est assez grand. Il est assez grand, oui, bien sûr, mais tous les hommes sont des enfants. Oui, enfin, de grands enfants. Ah, c'est ça, oui. Ben, je sais pas, mais alors des grands enfants comme monsieur, il y en a sûrement pas beaucoup, hein. Monsieur est du genre rarissime. Mais bon, ben, ça va, merci, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ben, mademoiselle me demande, je lui réponds, n'est-ce pas? Et je dis que j'apprécie monsieur sa juste valeur. Eh bien alors, allez m'apprécier ailleurs. Tu vois comme elle t'admire, chérie. Oh, ça pour admirer, j'admire. C'est bien simple, je pense ma vie admirer monsieur. Oh, ne l'admirez pas trop. Vous finiriez par devenir amoureuse de votre patron. Et je serais jalouse, très jalouse. Mais j'en suis pas encore là. Mais c'est encore heureux. Je vais m'habiller, chérie. Allez, dépêche-toi, mon gars, dépêche-toi. Bon, Berthe. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu pour déjeuner? Bon, alors, l'Amérique se sera envolée. Oui, alors. Eh ben alors, comme d'habitude, j'attends. J'attends les ordres parce que monsieur a ses horaires et les menus changent avec les horaires. Alors, avec les changements tout le temps, moi, c'est... Bon, à midi et demi, Jacqueline arrive. Jacqueline? Ah oui. Oh, j'ai du mal à m'y perdre, moi. Je sais pas comment on fait pour vous y retrouver, hein. En tout cas, c'est pas une vie pour une bonne, ici. Ah non, écoutez, non, ne passez pas votre temps à répéter ça. Je sais, c'est pas une vie pour une bonne, je le sais, ça. Bon, alors, si vous le savez, c'est le principal. Alors, qu'est-ce que je prépare? Mais je sais pas, moi, ce que vous voulez. Ah, moi, je l'aime bien, Jacqueline, moi. Et qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit cassoulet? Ah non. Eh oh, ah, non. Eh oh, vite fait. Clic, clic, clic. En boîte. Non, mais arrêtez, on en est il y a une semaine. Ah bah forcément, Jacqueline était là il y a une semaine. Non, faites de la viande rouge. Oui, et pour le dîner, un rôti de veau peut-être. Voilà, c'est une bonne idée, rôti. Voilà, avec des petits oignons. Ah, mais non. Ah, pas d'oignons? Ah, mais non. Pourtant, monsieur les aime bien. Ah, mais regardez, pas d'oignons, pas de rôti de veau ce soir, c'est pas Jacqueline, regardez, c'est qui? Oh, Judith. À 19h06. Alors, fallait le dire, alors pour ce soir, choucroute et 8 paires de Francfort. Ah, non. Voilà. Ah, tu sais, chérie, je pensais en m'habillant. Heureusement que tu t'es réveillée. Sans ça, j'y dormirais encore. Ah, et bien, tu vas comme ça, c'est parfait. Oui, c'est parfait. C'est épatant. Qu'est-ce que je suis contente. C'est parfait. C'est épatant. Je te plais, chérie. Ah, beaucoup, beaucoup. Tu es vraiment ce qui peut s'appeler une belle hôtesse. Mais allez, maintenant, c'est l'heure. Moi, j'ai encore 2 minutes. Le temps de me faire les ongles. Tu crois, c'est pas prudent, hein? Tu décolles à 11h. Ah, bah, il est 9h05, chérie. Non, mais attends, s'il y a des embouteillages, à ta place, moi, je me méfierais. Juste un peu de brownie. Je suis très contente, tu sais, chérie. Ah oui, de partir. Oh, tu es bête. Mais je crois que je vais être mutée sur un nouvel appareil, beaucoup mieux. Le Super Boeing, un jumbo merveilleux. Avec 4 réacteurs de 22 000 kilos de poussée. Une puissance ascensionnelle fantastique. Ah, dis donc, c'est intéressant, ça. Très intéressant, chérie, surtout pour nous. Ah oui, alors je ne vois pas du tout ce que ces 22 000 kilos peuvent nous faire à nous. C'est un appareil bien plus rapide, chérie. Ouais. Alors je serai là beaucoup plus souvent. Ah bon? Oui, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ah mais si, bah heureusement, on en a très plaisir. Hein, jusqu'à hier, on regarde. Bien sûr, bah évidemment que ça fait plaisir. Simplement, il ne faut pas se réjouir trop tôt, ça n'est pas pour demain. Pour bientôt, chérie, sûrement bientôt. Bon, allez, tu sais quoi, allez, moi à ta place, pour y être à 11h, je filerai à Roissy tout de suite. Ou ça, c'est un bon conseil que monsieur vous donne. Un conseil de sécurité, n'est-ce pas, monsieur? Et comment, Berthe? Vous êtes très gentils tous les deux, je vous adore. Et toi, plus qu'elle. Ah, c'est gentil, ça. Belle. Monsieur. Oui. Il y a monsieur Castin qui vient pour vous voir. Castin? Castin. Castin, Castin. Castin. Quel est son prénom? Oh, avec la tête qu'il a, il doit s'appeler Robert. Robert Castin? Oui. Il est ici? Il est là. Mais faites l'entrée, Berthe. Ah, bah j'y vais. C'est un vieil ami d'ici. Robert Castin, j'étais avec lui à la 5e à terminale. Ah bon? Mais oui, une petite bille ronde, Robert. Oh! Mais c'est pas possible, mais toi aussi! Et bien comme tu vois, mais comment vas-tu? Et bien pas mal, et toi? Et bien pas mal, tu vois? Et bien moi non plus. Et bien moi aussi, ça va pas mal, on va passer la nuit là-dessus, ça va bien. Sacré Robert! Sacré Bernard! Bon, Robert Castin. Pardon, mon amant. Je te parle mon vieil ami Robert Castin. Enchanté, moi... monsieur! Janet Huggins, américaine de son état et hôtesse de l'air de son métier. À la Picton Airlines, comme tu peux voir. Très bien, je vous félicite, mademoiselle. Chérie, tu as oublié de dire le principal à ton ami. Ah, quoi donc? Ben, que je suis ta fiancée, Bernard. Oui, bien sûr, ma fiancée. Bon, voilà, encore toutes mes félicitations et tous mes vœux. Et toi, bravo, tu as un goût. N'est-ce pas qu'elle est ravissante? Ravissante. Et vous n'avez pas de fiancée, monsieur? Non, je n'ai personne, moi. Je suis tout seul. J'arrive d'Aix. Ouais, c'est pas facile, ça. Ben, il y a tes belles filles dans le midi. Oui, mais disons que j'en ai pas trouvé. Ah. Oh, je suis obligé de me rabattre sur une parisienne. Hein? Et ça, c'est pas drôle. C'est pas vrai, c'est pas grave. Je vous dérange. Je vous raconte ma vie, je reviendrai. Non, mais pas du tout. Je dois m'envoler. Tiens. Mais oui, hôtesse de l'air. Eh ben oui, naturellement, vous envolez. Et c'est ça, oui. Et je vous confie mon trésor jusqu'à mon retour. Naturellement, mon chéri, mais va, tu vas le rater. Oh non, il faut que je t'embrasse encore. Tu permets? Mais tu joues, en prie. Je t'adore. Ah, moi aussi, mon cœur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Tu es un amour. Moi aussi. Alors, Aladdin. Aladdin, mon ange. Eh ben, mon vieux, mes compliments. Ça, c'est de la belle fille où je m'y connais pas. Ah, ça va être très bien. Oh, bon, attends, et mieux que ça. Si j'en trouvais une pareille, je m'en contenterais. Ouais, oui, je te comprends. Ouais. Bon, dis-moi, tu bois quelque chose? Ah, volontiers. Ah. Mais dis-moi, mais tu as une vue super. Non, ben, oh, non, On va tout Paris. Ouais. Ouais, enfin presque. Hein. Viens me revers. Toujours dans l'architecture. Mais oui, toujours. Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien voilà. Quand tu as quitté Aix pour venir t'installer ici, tu m'as dit passe me voir quand tu monteras. Et alors? Bah alors me voilà. Et comme je cherche un appartement, j'aimerais que tu me donnes l'adresse de l'agence qui t'a trouvé le tien. Ah ça c'est bien facile. C'est dans ce que je vais te dire. Je veux absolument un appartement parce que je vais me marier. Mais non. Si. Mais alors tu es fiancé? Oui. Hein? Enfin non. Enfin, disons que je connais vaguement une fille charmante et puis je me dis qu'un jour ou l'autre, faut bien que je fasse une fin. Déjà? Mais t'as l'air en pleine forme pourtant. Dis donc, et toi aussi tu as l'air en pleine forme et pourtant toi aussi tu vas faire une fin. Ah non. Oh, dis donc, j'ai cru comprendre. Avec ton américaine, vous êtes fiancée? Ah oui, bien sûr, oui, ça nous sommes fiancés. Bon, et ben si vous êtes fiancée, tu vas te marier. Non. Attends, si vous êtes fiancé, c'est bien pour vous marier, c'est logique, non? Mais non, bon d'abord, est-ce que tu l'aimes, cette fille que tu connais vaguement? Ça, je l'aime, dis donc. J'en suis pas fou. Mais bon, je me dis qu'un jour ou l'autre, il faut bien fonder un foyer à l'intérieur. Alors je me résigne. Et puis, à les avantages sociaux. Les avantages sociaux, mais non, mais... Mais Robert, mais si tu veux te marier, marie-toi comme moi. Ben comment? Ben plusieurs fois. Eh oui, sois polygame. Ça, c'est la reine des vies, ça. Agréable, changeante, l'idéal, quoi. Je ne te dis pas le contraire, mais c'est très risqué d'avoir plusieurs femmes. Ah mais non, il n'est pas question d'avoir plusieurs femmes. Des fiancées seulement, ça revient même. T'as tous les avantages du mariage, sans aucun des inconvénients. À condition de savoir s'imiter, bien entendu. Moi, j'ai trois fiancées. Trois? Ouais, trois, c'est parfait. Moi, c'est monotone, davantage, ce serait fatigant. Trois, c'est le rêve. Oui, mais c'est immoral. Immoral pour qui? Pourquoi? Aucune ne sait qu'il y en a deux autres. Chacune croit qu'elle est la seule. C'est la reine des vies. Les avantages du harem en plein Paris sans être musulman. Oh. Que tu dis? Non mais déjà, une femme, ça procure des ennuis, mais alors trois. Mais pas avec moi. Et ben avec toi quand avec les autres. Non, t'es buté là. Je t'en parle en connaissance de cause. J'ai trouvé le truc. Le truc, mais... quel truc, on prend le truc. Si y avait un truc, ça se saurait. Une femme, c'est des ennuis. Deux... Sauf si tu t'organises comme moi et que tu n'as pas de femme légitime. Rien que des fiancés illégitimes. Pour mieux courir au désastre. Impossible, à cause des fuseaux horaires. Les fuseaux horaires. Ah oui! T'as compris? Non. C'est pourtant d'une simplicité enfantine seulement. Il suffisait d'y penser. Mes trois fiancés sont des hôtesses de l'air. Quelle idée? Mais c'est là quel truc. Et sont des filles épatantes. Celles que tu viens de voir. Épatantes? Ah non, mais les deux autres sont aussi bien. Ah bon? Mais forcément. Elles sont triées sur le volet dans les concours d'admission des différentes compagnies. Ça sur tous les plans. Physique, morale, intellectuel. Pour moi, tout le travail est fait. Bernard choisit dans ce qui est déjà une super sélection. Pas mal ça, hein? Ah bah oui, c'est pas mal. Alors la seule chose, c'est que je suis obligé de les prendre sur des lignes de parcours qui ne se correspondent pas. Ah bah oui, à cause des fuseaux horaires et pour qu'elles ne se rencontrent pas, c'est le seul inconvénient. Et bah voilà, c'est ça, Non, attends là, dis donc, ça a l'air bien joli comme ça en théorie, mais pratiquement, je serais curieux de voir ce que ça donne. Ah non mais rien de tout ça, mon vieux. Jeannette, mon américaine, celle que t'as vue. Oui. Regarde bien, elle va décoller d'ici 10 minutes. Dans un quart d'heure, c'est Jacqueline qui atterrit. Jacqueline? Jacqueline, ma française, oh là là là, une petite, un vrai bijou. Elle sera là pour déjeuner. C'est juste, juste. Ah oui, aujourd'hui c'est un peu juste, mais c'est exceptionnel, elle est en transit. Sans ça, normalement, j'ai l'alternance régulière. Deux jours Jeannette, deux jours Jacqueline, deux jours Judith. Judith? T'es mon Allemande! C'est un rêve international, en somme. Exactement. Regarde, regarde, regarde, mon Robert. Ce soir, Judith l'Allemande, elle arrive de Rio, ici. À ce moment-là, Jacqueline la Française, elle sera partie depuis longtemps. Jeannette l'Américaine, elle sera où? Allez, l'Américaine, devinette. Un indice, en Amérique. Dans son lit à Los Angeles, tu vas le travailler? C'est un va-et-vient perpétuel. Ah oui, mais ce sont des allées venues organisées, réglées, mathématiques. Ah oui, forcément, les horaires sont faits par les polytechniciens. Alors, regarde bien mon Robert, regarde bien, on a la terre qui tourne et on a mes femmes qui tournent tout autour. Et comme ça, je mène la petite vie de famille du parfait polygame avec les femmes au foyer. Et attends, non seulement je change de femme trois fois par semaine, mais je change aussi de nourriture. Je mange une cuisine bourgeoise avec la variété du restaurant. Aucune monotonie d'aucune sorte, ni au lit, ni à table. Comme tu vois, c'est parfait. Ben, c'est d'une perfection stupéfiante. Ouais. Oh bah attends, c'est avec Jeannette que les choses se gâtent un peu. Et hier à table, j'étais pas très bien. Au dîner, oh, il y avait une raie au capre qui nageait dans de la crème au chocolat, c'était bon. La pauvre bête. À part ça, impeccable. Impeccable. Ah non, mais c'est le rêve, je te dis, le rêve. Et où est-ce que tu les trouves? Ah, ça, c'est très simple. J'ai un ami qui tient un magasin de souvenirs à Roissy. Ah oui, il connaît toutes les hôtesses. Elles lui font leurs confidences. Celle qui se trouve un peu seule, il me les fait rencontrer. Moi, Bernard, tranquille. De fil en aiguille. Ah, bah, tu vois, moi, maintenant, j'ai plus besoin de rien. Oh, oh, mais... Robert, je l'appelle pour toi. Rob, je l'appelle pour toi, t'en as 6. Quoi? Robert, t'en as 6. Ah, non. Robert, avec les derniers pieds, t'en as au moins 6. Non, arrête. T'en veux plus? Quoi? T'en veux plus? Mais non. On va grimper à 10. Non. Allez, Robert, t'es un grand sportif, on grimpe. Non, arrête. Non, raccroche. Non, mais t'es fou. Non, mais c'est pas pour moi, tout ça. Avec mon caractère. Non, toi, oui. Toi, tu es un virtuose. Mais c'est du bronze. Les horaires sont les horaires, il n'y a qu'à les suivre. Eh ben tiens, sur une ligne qui changeait de ligne tout à coup. Ah, impossible. Les parcours sont aussi rigides que les horaires. Monsieur déjeunera avec vous? Non, je ne veux pas te déranger. Ah, il déjeune, il s'installe. Il va falloir autre chose maintenant. Il s'installe? Ouais. Mais où ça? Eh bien, ici. Mais dans quelle chambre? Ah, où il voudra, je verrai. Bon, alors, on verra. Bon, donnez-moi ma veste, Berthe. J'y vais, monsieur, j'y vais. Alors, où sont tes valises? La consigne. Ah bien, tu iras chercher tout à l'heure. Parfait. Ces messieurs veulent déjeuner à quelle heure? Oh, aussitôt que Jacqueline sera là. Ah oui, mais ça me dit pas quand. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah bah, c'est pour savoir, à cause de la viande. Bon, bah, je vous le dirai. Bah, j'y compte bien. Vous avouerez que c'est une drôle de vie pour une bonne ici, hein. Ah tiens, à propos, il y avait une lettre pour mademoiselle Jeannette. Ah. C'est une lettre d'Amérique. Très bien. Elle aura son retour maintenant, forcément. Hein. Ah oui, forcément, oui. Vous me direz, pour Jacqueline, à cause de la viande. Ah, mais je vous le dirai, c'est entendu. Mais vous savez, elle ne va certainement plus tarder. Alors qu'il est, elle doit se poser, surtout si elle a eu vent arrière. Alors espérons que Jacqueline ait eu vent arrière. Parce que moi, j'ai déjà mis la viande. Cette bonne, je te jure. Elle a un seul caractère. Ah non, elle est comme ça tout le temps. Ah non, il faut dire, quand j'ai pris l'appartement, elle était là, alors je l'ai gardée. Mais elle est extra, hein, simplement un petit peu débordée, avec tous ces changements de cuisine. Oh, hein. Forcément, ça l'embête. Mais dis-moi, là, bon, avec ce roulement, hein? ce chassé-croisé perpétuel, c'est vrai. Une qui décolle, une qui atterrit, une qui est déjà en l'air. Il se pourrait très bien qu'il y en ait deux qui se trouvent en même temps à Paris pour passer la nuit. Impossible, à cause des fuseaux horaires. Même en admettant que ça arrive. Attends. Qu'il y en ait une qui atterrisse au moment où celle qui devait décoller ne décolle pas. Ah! Eh bien, moi, je resterai avec celle qui ne décolle pas et j'irai passer la nuit avec elle, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, histoire de changer un peu d'air. Bon, d'accord, mais celle qui atterrirait, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Eh bien, elle viendrait ici! Elle a une clé! Mais évidemment, chacune a sa clé, c'est pas génial! Eh ben si, bien sûr, c'est dégoûtant! Pourquoi? Eh bien, parce que tu ne les aimes pas. Non, mais Robert, dis pas ça. Non, mais enfin, mais dis pas ça. Dis pas ça, je les adore. Seulement, je les aime toutes les trois autant. Mais oui, je les aime tellement que s'il y en a une qui me demande de lui faire un cadeau, bon, je le lui fais. Mais j'en achète trois. Ah oui, ah oui. Je ne veux pas que mes deux autres femmes soient lésées sans le savoir. Tu vois ça, Robert? Sans le savoir, ça me ferait une peine atroce. Atroce. Ouais. C'est très gentil, mais tu ne m'as pas convaincu. Moi, je vais te dire, je suis pour le mariage tranquille et pépère. Voilà, avec une seule femme et tout ce que ça comporte. Compensé par les avantages sociaux. Tu as tort! Mais si, regarde, un détail en passant. Les trois prénoms de mes fiancés commencent par J. Jeannette, Jacqueline, Judith. C'était pas indispensable, ça s'est trouvé comme ça. C'est une sécurité supplémentaire. Il pourrait traîner un mouchoir avec une initiale. Quoique avec Berthe, je suis tranquille. Qu'est-ce que voulez-vous? Je veux rien, monsieur. Je fais mon métier de bonne. Très bien. Alors justement, comme l'Amérique vient de partir et que la France arrive, faut que je fasse la chambre. Ah, ça c'est vrai, vous avez raison. Dites-vous, pensez à tout. Ah bah, je suis là pour ça, monsieur, je suis là pour ça. D'ailleurs, si j'étais pas là, je me demande ce qu'arrivera monsieur, hein, avec cette vie. Alors à propos, comme Jacqueline est simplement en transit, inutile que je fasse tout, n'est-ce pas? Oui, inutile, oui. Bah oui, non, bien sûr, je ferai la chambre à fond après son départ et avant l'arrivée de l'Allemagne. C'est parfait! Ouais, ouais, c'est parfait, pas pour économiser le travail, toi. Bien sûr, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Elle est précieuse. Ah, elle rouspète tout le temps, mais elle connaît la routine. Ah oui. Il faut que la maison ait toujours l'aspect en attente d'une arrivée et jamais celui du désordre d'un départ qui vient d'avoir lieu. Et hop là, c'est fait. Non, pas déjà. Ah si. Vous avez tout vérifié? Et dites, où Berthe passe, la poussière trépasse. Elle sera là dans 35 secondes. Ouh, c'est vraiment juste. Aujourd'hui, c'est ric-rac, hein. Ah non, mais attention, la précision fait la force. Oui, chaque fois qu'une de ces demoiselles est en transit, ça va, ça vient. Eh ben forcément, le rythme est plus rapide. Eh oui, forcément. Chérie! Ah, Jacqueline, chérie. Est-ce que je suis contente de te voir? Ah, moi aussi, mon gars. Tiens, je te prends mon vieil ami, Robert. Casta. Oui, j'arrive Dex. Oui, j'arrive Dex. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je suis un vieux camarade de lycée de Bernard. Oh. Et là, je vous dérange dans votre intimité. Ah non, pas du tout. Je suis ravie. Vous êtes le premier ami de Bernard dont j'ai fait la connaissance. On ne voit jamais personne avec lui. Il est tellement secret. Et je suis très heureuse de vous rencontrer. Ah, bah moi aussi, mademoiselle, moi aussi. Donne-moi quelque chose à boire, chérie. Serre ton ami. Moi, je suis morte. Quand on voit le soleil qu'il y a ici, on a de la peine à imaginer qu'il puisse faire un si mauvais temps ailleurs. Tu sais que j'ai bien failli rester à Helsinki? Vraiment? Je t'assure, chérie. On a eu un ouragan à fermer l'aéroport et suspendre tous les vols. J'ai bien cru que j'allais passer la nuit là-bas. Je t'aurais appelé, bien sûr. Mais cette dépression a filé nord-est, alors me voilà. Tu as été sage, chérie? Bah voyons. Pas quelle question, ça? Ah bon? Écoute quand même. Allons. Bernard vous a dit que nous allions nous marier? Oui! Oui, il m'a annoncé que vous étiez fiancée. Oui, j'ai même ajouté que tu étais ravissante, pas vrai? Oh, si, il m'a fait tellement de compliments! Vous êtes déçu? Oui! Non! Non, il est en dessous de la vérité. C'est pas gentil, ça, chérie. Non, mais ne crois pas ce qu'il te dit, il fait des esprits sur mon dos. Invite ton ami à déjeuner. C'est fait! Ah bon, très bien. Mais oui, je vais même proposer de t'installer ici quelque temps. Tu as bien fait, chérie. Il te tiendra compagnie quand je ne suis pas là. Comme ça, tu te sentiras moins seule, toi qui te plains toujours que je t'abandonne trop longtemps. Bah oui, mais ça c'est vrai. Hein. Moi, quand t'es pas là, moi je suis perdu. Ça va, je suis tout seul. Oh, mon pauvre vieux! Ce que c'est que l'amour, quand même? Bien, moi je vais me laver les mains et on déjeune parce que je décolle à 3 heures pour Caracas. Oh, à propos! Ça y est. Quoi? Je vais passer sur 747. Ah bien, très bien. Tu penses à me donner tes nouveaux horaires? Oh, mais bien sûr, chérie. J'aurai des rotations plus rapides, on pourra se voir beaucoup plus souvent. A tout de suite. Alors dis-moi, là, si ces avions vont de plus en plus vite, ça va précipiter ton rythme, ça. Ça n'est pas pour demain. Mais bon, en tout cas, mes compliments, elle est très bien. Du reste, à ce propos, je me demande laquelle des deux est la mieux. Oh, dis-moi. Allez, dis-moi. J'arrive pas à me décider. De toute façon, t'as pas décidé. Les deux sont prises. Tu permets? Allô, oui. Oui, c'est moi. Ah, c'est toi. C'est Judith, mon Allemande. Allô, oui, j'entends ta mal, mon cœur. Comment? Au lieu de 19h, tu seras là à 23h. Ah, mais c'est pas grave, mon amour, tu auras dîné? Oui. Ah, évidemment, je serai là à 11h, mon cœur. Je t'aime. D'accord. Alors, bon voyage, mon amour. Je t'embrasse à 11h. Mais ça va pas, vous, hein? Et il m'a fait peur. Vous arrivez bien, vous? Moi? Allez annuler la choucroute et les Francfort. Ah! L'Allemagne est en panne. C'est ça. Eh ben, la choucroute est achetée maintenant. Eh bien, tant pis. Oui, alors ça, c'est pour une vie, pour une bonne ici, hein? Tiens, je voulais vous dire quelque chose avec tous ces changements. Je sais plus ce que c'était. Ça vous reviendra? Moi, je reviendrai. C'est ça. Bien sûr. Le téléphone n'a pas sonné? Si. Ça n'était pas pour moi? Non, pourquoi? Parce qu'il est possible que j'ai un battement dans mon oreille et on va peut-être m'appeler. Oh, c'est intéressant d'être au courant de tout ça. Oui, non, mais ça te fera un grand battement? Mais non, une heure tout au plus. Bon. Pourquoi est-ce que tu dis ah bon? J'ai ah bon. Ah oui. Ah non, mais j'ai dit ah bon parce qu'on pourra rester plus longtemps ensemble. Oh, tu es un amour. Mais qui téléphonait alors? Ça n'était pas une femme, au moins. C'est pour chez vous. Oh, mais qu'est-ce que tu vas imaginer, voyons? Tu sais bien que je t'adore. C'est bien vrai. Bien, Clint, tu doutes? Tu me fais beaucoup de peine. Beaucoup. Bon, mais alors dis-moi! Mais dis-moi quoi? Mais ce que c'était? Mais ça, c'était une erreur, hein? Ah oui, bien sûr, oui, tout simplement une erreur. Vous avouez que c'est bête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette lettre, adressée à Jeannette Hawkins. T'attendais du courrier, toi? Eh ben, t'as qu'à pas répondre. Je sais pas, j'ai pas reçu d'aide, j'ai pas bougé. C'est amusant parce qu'on parlait avec Robert. Ah, Robert! Oui, mais non, on parlait avec Robert. Avec Bernard, je veux dire. Mais elle est quand même pas venue là toute seule. Ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour, Berthe, ça va? Oh, ben, comme d'habitude, ça va, ça vient. Bien, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? beaucoup de gens, ça tombe sur moi, ces trucs-là, c'est pas possible. Bon, alors attendez, faut que je réfléchisse, parce qu'à première vue, c'est pas évident, évident, hein. Bon, alors. Alors, il y a un timbre. C'est composté. Moi, je dirais une lettre. Oui, je vois bien. Elle a gagné. Mais pour Jeannette Hawkins, vous connaissez ça? Jeannette Hawkins, c'est un peu... Non, jamais entendu parler. Eh bien alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que je te dis que je n'en sais rien, mais je sais pas. Oui, si, ben oui, oui, si, si, voilà, ça y est, je me souviens. Alors voilà, la concierge m'a dit, vous avez pris une lettre qui n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un de l'immeuble. Ah, oh. Eh bien voilà, tout s'explique. Ben oui, tout s'explique, et très bien même. Monsieur m'excusera, mademoiselle aussi. Oh, bien sûr. C'est bien la donnée. Je redescendrai tout à l'heure. Bon, attendez voir, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Ça avait un rapport avec des congelés. Ah oui, alors le déjeuner est servi. Oh, vous êtes parfaite, Berthe, parfaite. Et vous tenez cette maison comme la vôtre. C'est tout à fait ça, mademoiselle. Tout à fait ça. N'est-ce pas? On arrive, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Non, oh, c'est beau, la vie de famille. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous devriez faire comme Bernard. Pardon. Trouvez une femme vous aussi et vous décidez à vous marier comme lui. J'y pense sérieusement. Oh, déjà moins 25, dépêchons-nous, vite! À table! À table, à table! Alors, tu as vu, tu t'instruis? Hop, hop, hop, le tour est joué, voilà le travail. C'est ça, oui, hop, hop, hop, et ouais, tu... Allez, viens déjeuner à la française! Et attends-moi, il est plaisant ce costume d'hôtesse. Ah non, plaisant, irrésistible, ça c'est ce qui me perce. Ah bon, pourquoi? Ah non, mais tu comprends, moi j'ai toujours été sensible au prestige de l'uniforme! Oh, sacré derrière! Oh, sacré derrière! Sacré derrière! Ouais, c'est ici, oui. Ah non, Bernard n'est pas là. Oui, là, c'est Berthe. Oh, mademoiselle Judith, vous venez de vous poser. À Paris? Oh, bah, c'est bien, ça. Vous serez là plus tôt. Eh ben, Bernard va être content. C'est ça, tout à l'heure. À tout à... Non, mais c'est pas une vie. C'est pas une vie pour une bonne vie. C'est pas une vie. Voilà, j'arrive de vie, Lucette. Fais-moi arrêter de se rendre, voilà. Bonjour! Bonjour, monsieur! C'est de nouveau moi! Oh là là, j'ai dû faire la queue à la consigne. Il y avait un monde! Je me demande pourquoi il y a autant de monde à Paris. Et chez moi, à Aix, c'est beaucoup plus calme. S'il y a tant de monde à Paris, c'est sans doute que toute la province vient encombrer. Sans doute! J'espère que vous restez pas trop longtemps ici. Non, là vous n'êtes pas très aimable avec les invités d'autres patrons. Ah si si, non mais moi ce que j'en dis c'est pour vous. Vous allez voir ici c'est pour une vie. Toujours quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part. Puis alors des changements. C'est réglé comme du papier à musique. Et quelle organisation, votre patron, il a pas de conseiller en soi. Eh ben justement, il est trop bien organisé. Être organisé comme lui, je vais vous dire, c'est pas humain. Tiens voilà, c'est pas humain. Eh ben moi je trouve ça très fort. À propos, l'Allemande vient de se poser. Déjà? Oui, elle vient me téléphoner pour dire qu'elle serait là plus tôt. Ah, c'est pas grave, parce que alors qu'il est, Jacqueline a décollé. Ah, peut-être. Mais l'Allemande peut rester 3 jours ici. 3 jours? Oui. Elle vient de me le dire en pensant que ça ferait une surprise à monsieur. À moi? Non, à monsieur. À mon monsieur, à moi. Vous avez un monsieur, vous? À mon patron, quoi? Oh, il est lourd, lui! Oh là là! Non, attendez, qu'est-ce que ça peut faire si elle reste 3 jours? Eh ben, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du frottement. Oui, parce que Jeannette. Alors, je vais y aller lentement, je sens comme ça avec vous. Hein. Oh là là là, bon. Alors, bon, Jeannette, c'est américaine. Bon, non, ça, je sais. Elle revient lundi. Lundi? Bon, on est samedi aujourd'hui. D'ici là, Bernard aura le temps de s'arranger. Oh, il fait comme il veut, hein. Oh là là. Où est-ce que je peux m'installer? Où vous voulez? J'en sais rien, là? Ah non, ah, là c'est pas possible, là. Là c'est la chambre de monsieur et de ses femmes. Il en est pas question, hein. Non, vous avez la salle à manger, la cuisine, l'entrée, la salle de bain. Il y a là ou là sur la cour, c'est plus calme. Enfin, vous faites comme chez vous, hein. Merci, vous êtes très aimable. Non, que non. Je fais ce que mon patron m'a dit. Le reste, ça me regarde pas. J'ai bien assez de soucis avec ma vie de bonne dans cette maison sans m'occuper en plus de la vie des invités de monsieur. Oh, c'est bien ingrat comme place. Bah, si vous n'êtes pas content de changer. Oh, on change de patron, on change de défaut, on change d'ennui, quoi. Vous êtes une optimiste, vous. Je me suis remarqué. Oui, je suis optimiste, oui. J'aime la gaieté. C'est bon, bon, eh bien, je vais m'installer là. Oui, alors mettez-y vos valises, parce que là, ça en court. Merci. Ah, oh, ben, ce serait volontiers que je vous les porterais. C'est vrai? Ah, ben, oui, mais non. Non, parce que, voyez, quand j'étais petite, le docteur a dit à ma mère qu'elle se méfie des efforts, votre fille. Alors, la fille, c'est moi. Alors, je me méfie parce que, voyez, dans le fond, quand on réfléchit, qu'est-ce que c'est le corps? C'est une pauvre chose, le corps, hein. Ça se fatigue, ça s'use. À qui dites-vous? Ah oui, elle dit, mettez-les dans l'armoire, j'ai des frais ce soir. D'abord en haut? Non, en bas, ce sera plus pratique pour moi. Ah ben. Ah, il n'éclaire pas au fond de la cour, lui, hein. Remarquez ce qu'il y a de consolant. C'est que je suis pas la seule amusée. Tout le monde s'use. Mon patron aussi, avec la vie qu'il mène. Alors moi, voyez, je me dis, si tout le monde s'use, eh ben, il n'y a pas de raison pour que je m'use pas. C'est-il pas vrai? Oh, si, si, si, tout c'est plus vrai. Si, si vous étiez de nature, vous, ça fait plaisir. Ah, je suis contente que mon caractère plaise à monsieur. C'est rare de rencontrer des gens qui apprécient les qualités de caractère chez une bonne. C'est très rare. Très rare. Très rare. Très rare. C'est très rare. Bon, eh bien, à tout à l'heure. Ah, monsieur, on a ses mots. Ah, pas du tout. Ah, si, quand on dit à tout à l'heure, surtout une bonne, ça veut dire. Vous assez. Ah, non, non, non, non, non, non, absolument pas. Bah, si. Mon patron, il m'expédie toujours. Il me l'a jamais placé deux mots. Et pourtant, la conversation, c'est la seule chose qui distingue les humains des bêtes. Oui, parce que si les humains parlaient pas, ce serait des bêtes. Des bêtes. Des bêtes. Ah, des bêtes. Ça doit être triste d'être une bête. Monsieur, crois pas. Si, j'en sais rien. Ah, moi non plus, j'en sais rien, mais ça, je le sens, je le devine. Une bête, qu'est-ce que c'est, une bête? C'est rien du tout, une bête. Tiens, c'est encore moins qu'une bonne. C'est tout dire. Enfin, heureusement que je suis optimiste, c'est ce qui me sauve, hein. Est-ce que je peux avoir un petit peu de glace? Non. C'est pourquoi? Parce que le frigidaire est en panne. Ah bon? Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de glace. Eh ben, je m'en passerai. Eh ben, faudra bien. Bah, s'il aime pas ça, lui donnera autre chose, hein. Ah, il suce pas des glaçons, lui. Ah ben, on prie que c'est, mon vieux. Bonjour, hein. C'est l'année du singe. Monsieur dans les affaires. Oui. Ah, les mêmes affaires que monsieur. Non. Ah. Bon ben, remarquez, il peut y avoir des tas d'affaires différentes, hein. Ça reste toujours des affaires. N'est-ce pas, monsieur? Oui. Monsieur est marié? Non. Oh, monsieur devrait. Pourquoi? Ah, monsieur est encore bien. Merci. Mais la vieillesse arrive vite. Ouais, enfin, j'ai encore quelques belles années devant moi. Oh, ben, on croit ça, on croit ça. Vous devriez vous marier pendant qu'il est temps. Bon, alors, puisque vous insistez et que vous voulez tout savoir, j'en ai l'intention. Ah. Voilà, mais je vais attendre encore un peu. Eh ben, monsieur a tort. Et pourquoi? Ben, avant plus, n'est pour marier. Oh, non, pour vivre comme monsieur, mais faut être très habile et très fort de constitution. Oui, alors, qu'est-ce qui vous dit que moi? Oh non, monsieur, ça se voit. Ça se voit, monsieur, si j'ose dire à lui nu. Fichez-moi la peine, hein. Non, c'est vrai, ça se voit à la fin, c'est vous, voilà, au revoir. Au revoir, monsieur. Oui, alors, attendez, j'ai dit au revoir. Au revoir, monsieur. Oui? Non, mais alors, ça arrive de sa province, ça voudrait faire le malin. Mais pas avec moi, il rentrait comme ça, moi, je vais te mater, mon petit bonhomme. Bli, bli. Chérie? sorti pour affaires. Ah bon? Oh, mais il va pas tarder. Vous en êtes sûr? Oh, ben alors qu'il est, il n'y a plus rien à faire dehors. Hein. Ah oui. Il n'était pas là quand vous avez téléphoné, c'est pour ça. Il est content. Oh, ben bon, c'est Thomas, il est content. Il est enchanté, hein. Savoir comment il va s'arranger, c'est notre manche, mais. Il est enchanté, hein. Vous croyez qu'il m'aime autant que je l'aime? Ah, je ne sais pas, Fräulein. Il ne vous parle pas de moi quand je ne suis pas là? Ah si! Mais comme je ne sais pas exactement comment mademoiselle aime monsieur, je ne peux pas savoir si c'est autant que monsieur et mademoiselle. Vous comprenez, Fräulein? Mais vous savez bien que je l'adore! Alors il vous adore aussi, non, papa. Vous savez que je peux rester 3 jours, ce n'est pas formidable? Ah, ça, c'est formidable, ça. Ah, c'est Bernard qui va être heureux. Oh, il va être heureux, oui, ça. Ah, il me semble qu'il y a un mois que je n'ai pas vu My Liebling. Le temps me paraît long quand je ne suis pas dans ses bras. Et à lui? Oh ben lui, il est complètement, comment dirais-je, il est complètement... Dépaysé. Voilà, c'est ça. Ah, c'est le mot exact, il est dépaysé. Il est complètement dépaysé, oui, c'est ça. Et alors quand moi je suis là-bas, en Corée, je vois Melbourne, je pense à notre petite maison ici où mon Bernard m'attend. Eh oui. Et quand je vole à 30 ou 40 000 pieds et que je n'ai rien à faire à bord, je prends mon Walkman et je vais m'enfermer dans les toilettes. Ah bah c'est vous qui voyez, hein. Ah oui, et j'écoute Götterdämmerung ou Die Walküre. Je regarde la lune et les étoiles au milieu du ciel. Je pense à mon amour et je me dis que c'est comme si nous nous regardions dans les yeux, à travers le relais des comètes et des météores. Vous ne croyez pas? Ah, si, si, oui. Je trouve ça d'un romantisme fou. Oui, ça, c'est fou. Les frappadingues. Oh là là. Est-ce qu'il les regarde aussi, Bernard? Quoi donc? La lune, les étoiles, quand je suis en vol. Oh, dois-je t'en de temps en temps? Mais alors, ça, il m'en parle pas, hein? Bien sûr que non. Ces choses-là, on ne doit pas en parler, hein. Ça doit rester au fond du cœur. Ça vaut mieux, ça vaut mieux. La vie est assez compliquée comme ça, sans aller dire aux autres qu'on discute à travers les étoiles, hein. Oh, mais avec vous, je peux en parler. Vous comprenez ces choses, hein. Vous êtes une femme. Oui, et une bonne. Et croyez-moi, Fräulein, une bonne, ça comprend tout, mais ça ne dit jamais rien. Bah oui, une bonne, on ne lui demande pas son avis. Mais vous, Bertha, vous êtes autre chose. Oh. Mais si. Vous croyez? Mais j'en suis sûre. Vous êtes la gardienne du foyer. La Vestale. La Vestale, je sais pas ce que c'est, ça doit être bien aussi pour la Vestale. Allez, hop. Vous êtes la jeune fille vierge. Oui, alors faut quand même pas exagérer, hein. Mais si, vous êtes la jeune fille vierge de la légende du Graal et des Nibelungen. Vous entretenez pour moi la flamme de la passion dans le cœur de mon Bernard qui attend mon retour. Eh ben c'est gentil tout ça. Je l'aime tellement. Chaque fois que je reviens, je l'aime davantage. Et chaque fois que je repars, c'est comme si je me déchirais. Heureusement que c'est des paroles, tout ça, hein. Mais ce ne sont pas des paroles, hein. C'est vrai. Oh là-bas, je vous plains, ma pauvre Fräulein. Ben oui, oui, quand je pars. Oh, mais quand je reviens, que je suis de nouveau là, je me régénère, je ressuscite, hein, je ne me sens plus. Vous êtes une passionnée, vous, hein. Encore bien plus que ça, je suis la passion en personne. Alors, faut pas vous mettre dans ces états-là, hein. Gardez votre enthousiasme quand monsieur sera là. Oui, vous avez raison. Elle m'a fait mal, la vache, c'est pour vrai, ça. Ah, j'ai oublié de prendre des cigarettes. Vous voulez aller m'en chercher? J'y vais, j'en ai pour 5 minutes. Merci. Je m'installe en vous attendant. Oui. Oh, je suis folle de joie, Bertha, folle de joie. Moi aussi, je suis folle de joie, folle de joie. Au contraire. Mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Si vous, non, attendez, vous voulez dire chez Bernard? Ah oui, enfin, chez Bernard, c'est chez moi, c'est la même chose. Oui, non, parce que voilà, parce que je suis un vieux camarade de lycée de Bernard, enfin, je me présente, Robert Castin. Enchanté. Moi aussi, mademoiselle, moi aussi. Et vous, c'est Judith! Bernard vous a parlé de moi? Monsieur m'a parlé de vous, mais bien sûr, Judith par-ci, Judith par-là. Ah, je suis ravie. Mais comment se fait-il que vous soyez ici sans lui? Et il a dû sortir, n'est-ce pas? Il m'a demandé de l'attendre parce que, voilà, en fait, j'ai débarqué à l'improviste, j'arrive d'Aix. Pas possible! Bah si. Oh, mais c'est merveilleux! Ah bon, vous trouvez? Oh oui, ma mère aussi habite Aix! Non, madame votre mère! Et quelle rue est-ce que vous habitiez, Aix? Alors, j'habite rue de la Gare, au 27. Oh, c'est inouï! Bahnhofstrasse! Comment? Bahnhofstrasse! Oui, bien sûr, parce que Bahnhof, ça veut dire Gare. Bah, oui, bien sûr, vous le savez bien. Ma mère habite Friedenstrasse! Friedenstrasse! Je connais pas. Mais c'est impossible, voyons. La Friedenstrasse est juste à côté de la Bahnhofstrasse. Vous m'étonnez. C'est une des principales rues à Aix. Friedenstrasse, rue de la paix comme à Paris. Je ne vois pas. Enfin, voyons. Là où il y a le grand Charlemagne. Le grand Charlemagne. Alors, attendez, ça demande quand même un peu de... Ah, ça y est, bien sûr, oui, le grand Charlemagne. C'est le marchand de couleurs qui fait l'angle. Oh, quand vous moquez de moi. Ah, pas du tout. Mais enfin, la grande statue. La grande statue. Alors écoutez, moi, en grande statue, je vois celle de Fauvenargue. Fauvenargue? Non, c'est Fauvenargue. Hein? Le philosophe. À l'enfant du pays. Non, attendez, vous pouvez me croire, parce que nous sommes exsoit de père en fils dans ma famille. Vous aimez les plaisanteries pince sans rire, hein? Non, mademoiselle, non, je ne pince jamais sans rire. Ben, je peux vous aider référence, parce que mon grand-père faisait l'huile d'olive. Mon père, la menthe douce, et moi, je fais la noix. Non, l'huile de noix. Nous avons huilé toute la Provence. La Provence? Bon, les environs d'Aix, c'est cause pareil. Mais moi, je vous parle d'Aix-la-Chapelle. Ben, moi, d'Aix-en-Provence. Il fallait le dire. Attendez, je ne fais que ça. Eh ben, en somme, nous sommes tous les deux d'Aix. Mais pas du même ex. Oui, c'est ça. Ah, c'est drôle, ça. Oh, je suis désolée. Oh, mais moi aussi, mademoiselle, moi aussi, ça vous aurait été une compatriote délicieuse. Vous êtes très aimable. Oh, bah, je suis sincère, mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Judith, puisque vous êtes un ami de Bernard. Ah bah, très bien. Et moi, Robert? Je vous appelle Robert. Bien. Judith? Oui, Robert. Seulement... Vous ne direz pas que je vous ai embrassé, n'est-ce pas? Oh, ah bah non, ce n'était malheureusement qu'une erreur. Une erreur, oui. Oui, mais tout de même, un baiser, je ne voudrais pas qu'il puisse croire une seconde. Ne vous inquiétez pas, je ne lui dirai rien. Même si ça n'avait pas été une erreur, je n'aurais rien dit non plus. C'est très gentil. Ah, oui, mais sans erreur... Je ne vous aurais pas embrassé, alors. Non, j'ai déjà oublié ce baiser, hélas. Non, vous êtes un gentleman. Et ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Enfin, mon silence et ma discrétion méritent bien une petite récidive. Petite récidive? Oui, je dirais un autre baiser, parce que j'ai trouvé ça très agréable. Ah, parce que vous ne vous y attendiez pas, la surprise fait beaucoup. Oui, bien sûr, mais ce serait peut-être une mauvaise surprise. Et là, il se trouve que ça aurait été une bonne et que je n'ai pas pu en profiter complètement. Alors c'est pour ça que vous vouliez recommencer. Recommencer? Oh, juste une fois. Ah, ce serait monstrueux de ma part de recommencer. Je n'aurais plus l'excuse de mon erreur et toute ma vie, j'aurais des remords. Bah, n'exagérons rien. Vous ne connaissez pas l'âme allemande, sans doute? Non, pas très. C'est pour ça que vous ne savez pas ce que c'est que la conscience du bien et du mal. Du mal, mais non! Enfin, tiens, la fiancée embrasse toujours les meilleurs amis de son fiancé. Pas sur la bouche! Oh, oui, bien sûr, en Amérique pourtant. Mais moi, je suis allemande. Et je trouve que nous serions coupables tous les deux de nous livrer comme ça au jeu de l'amour. Enfin, un baiser, ça prend une grande importance. Alors pourquoi insistez-vous? Eh ben parce que vous... Parce que nous sommes tous les deux d'ex. Pas du même. Peut-être, mais ex, ex, c'est toujours ex. Et vous n'avez qu'à considérer cet unique baiser... Ce serait le second. Ouais. Mais le premier ne compte pas. Non, vous n'avez qu'à considérer cet autre baiser comme mon baiser de bienvenue. Vous, les Français, vous êtes terribles. Et vous êtes une bien jolie Allemande. Je ne sais pas. Mais je suis à Bernard. Et il a beaucoup plus de chance que moi, Bernard. Tiens, nous serions en Amérique, et bien il y a longtemps que vous m'auriez embrassé, puis alors là, sans arrière-pensée. Ça, il n'y a pas à dire. L'Amérique est un grand pays, par là, les Américains, un grand peuple, comprennent ces choses. Eux. Les Allemands aussi sont un grand peuple. Bouf. Vous ne pouvez pas dire le contraire maintenant. Nous aussi, nous comprenons ces choses. Puis je vous les comprenez même très bien. Ah, vous voyez? Bon, eh bien... Maintenant, je vais dans ma chambre en attendant Bernard. Mais attendez, vous me quittez déjà. Je ne vous quitte pas, je vous laisse. Sans ça, vous arriveriez encore à me persuader que les fiancées espagnoles embrassent 25 fois sur la bouche les meilleurs amis de leurs fiancés. Et ça, je suis sûre que ce n'est pas vrai. À moi, on m'a cité des cas. Taisez-vous, ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais attention, son plus. Oui, moi, je sais que vous mentez. Pas du tout. Et surtout peur que j'arrive à vous convaincre. Non. Mais vous avez des atouts. Vous êtes charmant, assez drôle. Alors je me méfie. Et puis j'aime Bernard. Voilà, au revoir. Ah mais non, attendez. Un paquet. Les cigarettes pour Judith. À propos, j'ai oublié de vous dire, elle est arrivée l'Allemande. Je l'ai vu. Elle est dans sa chambre. Oui. J'y vais. Laissez, je vais lui donner. Oh, monsieur a fait connaissance à ce que je connais. Oh là là, dis donc, c'est beau le coup ce soir. Il y a encore plein de connaissances là, tiens. Voilà. Eh ben oui, vous avez vu, on a fait connaissance. Oui, alors monsieur peut lui donner le paquet. Bien sûr. Grec, pas vif, hein. Je pense que vous avez quelque chose à faire. Rien. Mais alors en ce moment, absolument rien. Eh bien, allez-y quand même. Ah, monsieur veut que je m'en aille? Eh bien, oui, ce que je vous l'ai dit. Monsieur a l'air de tenir à ce que je m'en aille. Je n'y tiens pas, mais comme vous n'avez plus rien à faire ici... Ah, bien non plus. Oui, eh bien, allez-y quand même, ailleurs. Oui. Oh, qu'est-ce que vous attendez? Rien, monsieur, rien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon Robert. Non, je me repose, laissez-moi. Oui, mais j'ai une cigarette pour vous. Ah. Bon, entrez. Voilà. Mais c'est pas vrai. Mais vous devriez mourir dehors. Mais non. Et bien voilà. Et oui, me voilà. Vous. Mais oui, vous voyez, c'était prévu, je vous l'avais dit. Et ça s'est décidé brusquement. Je suis mutée sur le nouveau 747 et je ne prends mon service que demain. Ah bon? Bah, c'est chic, hein. Ah, t'es très chic. Alors, allez, revenu. Eh ben, je reviens. Eh ben, t'en fais une tête. Moi. T'as l'air concerné. Ça ne vous fait pas plaisir de me revoir? Oh, si, bien, ça fait plaisir. On va pouvoir passer toute la soirée ensemble. Ouais. Et moi, toute la nuit ici avec mon trésor, adoré. Ah, toute la nuit, je ne sais pas, non. Je lui disais justement que ce serait amusant d'aller passer la nuit à Saint-Germain-en-Laye, par exemple. Oh, voilà, c'est une bonne idée, c'est une idée formidable. Mais pourquoi Saint-Germain? Ah non, mais Saint-Germain ou ailleurs. Moi, je trouve que ça nous ferait du bien, ça changera un peu. On est si bien chez nous. Et puis, oui, mais à Saint-Germain, la campagne, il y a de bon air. On respire. Je ne vous dis pas le contraire, mais pour le premier jour où vous êtes là, vous abandonnez. Oh, mais non, voyons, ne vous inquiétez pas pour moi, mais non, moi j'ai l'habitude, je suis un vieux solitaire. Allez hop, filons tout de suite là-bas, ça sera beaucoup mieux. Ça va, tout de suite, après dîner, vers 11h. Ah non. Mais comment ça, non, on est absolument pas pressé. Ah si. Comment assis? Assis. C'est ça, c'est assis à la campagne, comme ça, sous la tonnelle, en cette saison, c'est idyllique. À pas manquer. Oui, mais moi je préfère rester ici. J'y suis si rarement, en tant que j'en profite quand j'en ai l'occasion. Bon, pour dîner, passe encore, mais toute la nuit à la campagne, moi je trouve que ça nous ferait du bien. On y serait vers 11h. Oh non, mais non. On partirait maintenant. Ça vous fera encore plus de bien. Un bien fantastique, un bien que vous pouvez même pas imaginer. Oh, voyez, du reste, vous êtes un peu palote. Oh, ce n'est rien, je vais me remaquiller. Sinon Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis non, non, y a pas besoin qu'elle se remaquille, parce que... Ah! Voilà pourquoi, parce que vous étiez mal éclairé. À contre-jour, mais maintenant que là je vous vois comme il faut, vous êtes très bien. Oui, mais tout de même un peu de poudre. Non, ne touchez à rien. Si l'on ferait basculer un bel équilibre. Oh là là là là là, vous êtes parfaite comme ça. Oh, vous êtes gentil. Ah oui, c'est un copain, hein, mon vieux. Encore plus que tu ne crois, mon vieux. Mais vous ne savez pas encore qu'une femme ne se faire une beauté avant le dîner, mon petit Robert. Ah, si, ça je le sais, mais c'est les autres femmes, mais pas vous. Non, parce que vous êtes superbe. Vous êtes sensationnelle, idéale comme ça. Dites-moi, c'est une déclaration. Ah bah oui, tu t'énerves un peu, là. Calme-toi, mon vieux. Attends, je suis très calme. Je dis simplement, vous avez tous les deux la tête à aller dîner et passer la nuit à Saint-Germain. Bah écoute, il a raison pour la nuit, en tout cas, c'est vrai. On y serait vers 11h. Mais je ne sais pas ce qui te prend tout d'un coup, toi qui as horreur de la campagne. Non, ça c'est vrai, j'ai horreur de la campagne, mais... Mais tu as tort. Mais j'ai tort, et c'est pour ça qu'une fois de temps à autre, quand l'occasion se présente... Une occasion à ne pas manquer. Vous finirez par me faire croire que ça vous ennuie que je couche ici ce soir. Qu'est-ce que vous allez imaginer, voyons? Mais oui, qu'est-ce que tu vas imaginer, voyons? Il parle pourtant bien. Il est pour le dieu aussi, d'ailleurs. Ah, il est certain qu'une nuit à la campagne, avec la fenêtre ouverte comme ça sur les marronniers, là, les tilleuls. Mais oui, ça c'est des marronniers, les tilleuls, c'est bon, ça. Il est de mon avis, à partir de 11h, c'est merveilleux. Et à partir d'instantanément, c'est sensationnel. Non, il faut partir de maintenant, sans perdre une seconde, car chaque seconde de verdure est salutaire, et oui, et une seule seconde de retard peut être fatale, c'est quand même pas compliqué. Pas senti. Ouais, là on voit quand même qu'il arrive du midi, lui, hein. Ça y est, il en fait un petit peu. Hein. Alors, moi ce que j'en dis, c'est pour toi, parce que moi c'est pas mon affaire. Bon, eh bien moi je vais me remaquiller. Non! Comment? Mais enfin, mais laisse-la, Célie, tiens. Il ne faut pas contrarier les femmes. Si. Pourquoi? Oui, pourquoi? Là, Bernard, tu me fais de la peine. C'est vrai, tu devrais comprendre. Comprendre quoi? Oui, je ne comprends pas. Mais si, voyons, c'est quand je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as dit « Ah, salut mon vieux, ouais, ça fait super plaisir de te voir, n'est-ce pas ?» Mais oui, c'est vrai, je suis ravi de te voir. Voilà, et tu as ajouté « Tu es ici, chez toi. Oui. » Voilà ta chambre. Notre chambre. Attends, moi j'ai dit ça. C'était parfaitement. Mais non. C'est Bernard. Dis-moi que je mens. Enfin, tu dois confondre. Mais c'est ma chambre, celle de Jacqueline et la mienne. Et ben voilà, c'est pour ça que tu as ajouté. Je te donne ma propre chambre pour que tu te sentes vraiment chez toi. Installe-t'y. Moi, je t'ai dit installe-t'y. Il m'a dit installe-t'y. Mais ça, je m'en souviendrai. Tu as les mémoires courtes. Bah écoute, admettons, maintenant c'est différent. Comme Jacqueline est revenue, rends-nous notre chambre. Non. Mais enfin, pourquoi? Parce que je m'y suis installé, voilà, c'est ça. Parce que j'ai ouvert une de mes valises. Et étaler mon intimité devant vous, moi, ça me gêne. Oh, je ne regarderai même pas vos affaires. Si c'est possible, mais ça me gêne. Non, attendez, mettez-vous à ma place. J'ouvre mes bagages. Ici, là, c'est en désordre. Et puis vous voir vous, Jacqueline, si ravissante, rentrer dans la chambre comme ça, je veux dire, c'est pas possible. On ne peut pas, voyons. On ne peut pas, c'est pas possible. Compliqué, hein. Quoi? Non, mais enfin, comprenez-moi, quoi, c'est vrai, je suis un jeune homme. J'ai été élevé chez les pères. Puis il y a des glaçailleurs. Bon, puisque vous le prenez sur ce temps. Attends, mais... Tu as de drôles d'amis, vraiment. Mais Jacqueline, mais voici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, toi, non, tu l'as oublié, peut-être. Non, mais il n'y a pas de quoi s'appeler comme ça. Elle a été 11h. Ah, tu crois ça? Mais rappelle-toi, elle a téléphoné pour annoncer son temps. Et que nous sommes sortis, elle a retéléphoné pour dire qu'elle est arrivée plus tôt. Ah, bon, que ça? Nico, ça, elle est là. Là. Là. Non, Robert. Non, mais Robert, mais tu pourrais pas le dire plus tôt, imbécile! Ça fait 10 minutes que je vais vers toi et te faire dîner dehors. Et toi, tu veux faire des économies? Tu veux dîner ici? Mais non, attends, mais je pourrais pas te dîner! Eh ben voilà, ben écoute-moi quand je pars, c'est vrai, c'est vexant. Ouais, bon. Non, y a pas de bon. Tu devrais me remercier des efforts que je fais pour t'éviter le pire. Et au lieu de ça, monsieur m'engueule! Arrête, Robert, je t'engueule pas, arrête! Ah, si tu m'engueules, et puis après tout, j'en ai assez. Je suis bien bête de me crever, j'irai dormir à l'hôtel. T'auras qu'à te débrouiller que toi, reine! Ne t'énervons pas, nous énervons pas! Je ne m'énerve pas, je suis très calme. C'est plutôt toi qui t'agites et je vais dire, y'a quoi? Mais bon, débrouille-toi tout seul, puisque t'es si malin. Eh, c'est mon vieux, amuse-toi bien. Ah, tu vas pas te défiler comme un salon. Attends, moi je suis un salon. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais tu as dit. Robert, mon petit Roro. Je te demande pardon. Tu t'excuses. M'excuse. Sincèrement. Bon. Alors je reste. Merci, mon vieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben ça là, c'est pas... Robert, c'est jamais arrivé. Moi, écoute, toi tu fais en vitesse avec Jacqueline avant que Judith te sorte de là. Ouais, et à Judith, je lui dirai que tu étais retour dehors. C'est parfait, tu t'occupes d'elle, moi j'emmène Jacqueline à la campagne, demain matin, elle s'envole, tout rentre dans l'heure. Alors, qu'elle s'envole vraiment, parce que ton Allemande, elle reste 3 jours. Ah, mon trésor, tu étais là. Ah, j'arrive. Ah, que je suis heureuse. Ah, moi aussi je suis heureux. Seulement là, je suis obligée de ressortir. Non. Mais si, malheureusement. Alors je viens avec toi. Impossible. De quoi est-ce qu'il se mêle, ton ami? Vous avez fait connaissance? Oui. Oui. Bon, alors je peux pas faire avec toi? Mais non, les affaires, c'est ce que c'est, ça c'est mon... Regardez-nous, voyons. Moi? Bah oui, elle est dans votre chambre. Dans ma chambre? Oui. Volontiers. Non! Il peut rester! Il gêne pas! Robert, c'est l'ami qui gêne pas! Voilà! Moi, il faut que je parte, hein! Oh, monsieur, rentrez! Mais oui, vous voyez, oui. Mademoiselle Dutty t'a fait une bonne surprise à monsieur en arrivant plus tôt. Hein, monsieur? Oui! Vous dînerez? Non, je ne peux pas, non, mais mon ami le dînera avec Judith, n'est-ce pas, ma chérie? Sans toi! Mais je reviendrai tout de suite après, enfin, dès que je pourrai. Bon, alors, je ne veux pas dîner. Je prendrai un bain et je me couche en t'attendant. Ah, si tu veux. Oh, je t'adore. Mmh. Tu sais que je peux rester 3 jours entiers? Ah, oh, voilà une bonne nouvelle! Ah, ça, c'est une bonne nouvelle! Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Ben donc je partage votre joie. Mais oui, c'est gentil de ta part, il participe. Moi aussi, monsieur, je participe. Je sais. Allez, va prendre ton bain, je t'embrasserai avant de partir. Un petit à-compte, monsieur, s'il vous plaît. Oui, alors vite. Ouais, vite. Pourquoi vite? Il a raison, nous avons affaire. Allez, bon bain, voilà. Je savais bien que j'avais raison, il fallait que je me repoudre. Mademoiselle est là encore? Mais oui, vous voyez, Berthe, je ne décolle que demain. Que demain? Oui. Mademoiselle est là aussi. Vous voyez bien? Moi aussi, pourquoi aussi? C'est parce que monsieur avec monsieur, puis monsieur, oh, je me sens pas bien. Oh là, assez-vous. Salut, un cognac, vite. J'ai l'air d'avoir reçu un choc. Mais non. Ah si, j'ai pris un choc. Tenez, buvez ça, et voyez-y, filez. Ouais, vas-y, filons. Où ça? Oui, sur la tonneille. Mais non, je préfère rester ici, je te l'ai dit. Mais pourquoi? Ça me ferait plaisir. D'ailleurs, je dois avoir quelqu'un dehors. Vas-y, je t'attendrai, ton ami me tiendra compagnie. Impossible. Quoi, impossible? Non, parce que je dois sortir et puis je vais être très mal à la tête. Bon, eh bien, vas-y, j'attendrai seul que Bernard rentre. Je suis si bien chez nous. Oh là, est-ce que tu peux être casanière et pantouflard, hein, dis donc. Ça te va bien de me dire ça à moi qui fais 600 000 km par an? Toi qui ne bouge pas d'ici. Alors là, la porte, elle bouge. C'est une façon de parler. Ah oui, plutôt. Enfin, pour une fois, je suis chez moi. Laisse-moi jouer à la maîtresse de maison. Alors, Berthe? Oui? Ça va mieux? Oui! C'est-à-dire que j'ai eu un malaise. Ce sont des choses qui arrivent. Le surmenage, sans doute! Non, si, sûrement ça! Faut qu'il se repose! Il est gentil, monsieur, de quoi je me mêle? Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour ce soir? Pour ce soir? Oui, pour dîner. Mademoiselle dînera? Mais non! Monsieur? Nous entendons! Oui, je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, tout le monde sort! Mais monsieur venait de me dire qu'il dînait là. Oui, alors j'ai changé d'avis, c'est mon droit, non? Il a changé d'avis, c'est son droit, non? Ah, moi je comprends bien, j'ai dû zapper un moment. Oh non, mais ça c'est trop compliqué. Hein, c'est alors, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? De la choucroute et des francs-forts. Quelle idée! Ah bah c'était prévu au programme, moi j'ai plus rien. Hein, c'est toi qui as demandé ça? C'est lui! Moi, la cuisine, c'est pas mon rayon. Mais vous n'avez rien d'autre? Ah non, mais alors la choucroute, c'est de la supérieure. Et alors les francforts, elles sont bien mûres. En fait, je veux dire... Non, mais je vous demande alors qu'il est. À moi, monsieur. Mais oui, à vous, enfin. Non, mais attends, c'est vrai. J'ai insisté pour t'emmener dîner dehors, mais parce que je savais qu'il y avait de la choucroute. Toi, t'aimes pas ça? Mais je croyais que tu devais voir des gens. Tu peux très bien remettre, n'est-ce pas? Ah oui, ça, je peux remettre, même s'il n'y a que ça. Eh ben, c'est que ça file aucun campagne depuis la nuit à Saint-Germain. On respire. Oh non, non, non, on rentre courir ici un peu dîner. On verra, moi, je crève de faim d'ici qu'on soit arrivé. Bon, vous venez avec nous. Ah oui. Ah non. Ah non, il reste là, lui. Attends, moi? Oui, toi. Mais alors, vous ne sortez plus. Ah non, j'avais oublié, je ne sors plus, non, je reste là, moi. Ah là, tu peux bien filer, filer, filer, filer. Oh, mon sac, j'ai oublié mon sac. Ça y est, chérie. Chut. Wesh. Mais bah quoi, chut, t'es pas qui... Il a très mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. Oh, chérie. Je vais te donner une aspirine paille. Ah, oh, moi aussi, je veux une aspirine paille. Ça va passer. Non, mais je veux te soigner. Non, non, ne contrariez pas. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore? Je venais vous dire que j'allais me mettre dans mon bain. Bon, eh bien, mettez-vous dans votre bain. Nous, on est dans le nôtre. Hop là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vraiment, chérie, il va refroidir. Tu ne pars pas? Non, tout à l'heure, voilà, hop, tout à l'heure. Tout à l'heure, nous sommes à la campagne. Vous permettez, monsieur? Je crois que j'ai un programme aussi. Vous vous sentez pas bien? Non, j'ai la tête qui tourne un peu. Oh bah sans doute qu'il va y avoir d'orage. Sans doute. Oh, s'il y a l'orage alors, on ne sort plus. Ah si, l'orage à la campagne, faut pas le rater. Allez, passe devant mon amour, passe devant, allez, sur les 100 mètres. Ah bon, alors, tout à l'heure. Tout à l'heure, et toi, arrange-toi pour coucher à Saint-Germain. Ah la maison tranquille, un paquet sans revenir ici, quelle histoire cette fois. Ah non, attends Bernard, pas d'affolement, je suis là. Et bon appétit quand même, ça fait super plaisir. Bon écoute Bernard, viens tout de suite ou je ne sors plus. Il est trop chaud, hein. Quoi? Mon bain. Eh bien soufflez dessus. Tu sais? J'en reviens, il reste là, il est charmant, il va t'aider à souffler dessus. À tout de suite. Enfin, avoir le cœur bien accroché, hein. Alors vous, vous êtes un champion, mes compliments, allez, tenez. Merci. Allons, ça va. Allez, à la route. À la route. On l'a pas volé celui-là, hein. Non, ça, on l'a pas volé, hein. Ah, bah tiens, bon, je... Allô? Oui, c'est ici, oui. Un message de la part de... Jeannette Hawkins, oui, j'écoute, oui. Au lieu de lundi, retour... Aujourd'hui? 22h GMT? Et qu'est-ce que ça veut dire, GMT? Ça n'a plus aucune espèce d'importance. Alors, ça n'a plus aucune espèce d'importance. On s'en fout. Bon, alors, la suite, c'est quoi? Bon, baiser Jeannette, et hop, c'est le thé. Vous avez entendu? Ça, j'ai entendu, oui. Alors? Et prenons des forces. Parce que vous voyez, j'ai l'impression, hein, il va y avoir du sport. C'est une impression que je partage tout à fait avec vous, Berthe. Oh, oh non, mais sérieusement, monsieur, c'est une vie pour une bonne ici. Alors, pour une bonne, peut-être pas, mais pour un homme, hein, vrai. Ça a l'air assez sensationnel. Ça, je sais pas, je ah, pas. À la bonne, bah. Si. Vous me direz ce que vous voudrez, mais moi, je pense que la choucroute, ça doit être lourd à digérer. Jamais de la vie. Vous aimez ce d'un prendre du café? Non, Bertha, vous savez bien, pas pour moi, jamais le soir. C'est vrai, j'avais confondu, j'avais oublié. Moi, si à un café, si on sent ça, c'est choucroute, je sens que j'en rêvais toute la nuit. Bien, monsieur. Si vous essayez de me vexer en dénigrant la nourriture allemande, je préfère vous dire que c'est inutile. Vous perdez votre temps. Non, je ne dénigre rien. Je dis simplement, c'est lourd le soir, toute cette merveilleuse charcuterie. En Allemagne, ils nous la digérons très bien. Eh oui, mais moi qui n'ai aucune origine allemande, je sens que j'avais un petit peu de mal. Vous ne savez pas ce que vous dites. La choucroute est un plat inimitable. D'ailleurs, on en mange dans tous les pays, ce qui prouve bien que ça plaît. Je ne dis pas que ça ne plaît pas, je dis c'est lourd. C'est tout. Quand elle est bien préparée, il le vin glacé comme ce soir, c'est exquis. Exquis ? Mais lourd. Moi, ça met le sang à la tête, pas vous ? Non. Voilà le café. Ah. Un bon conseil, monsieur. Buvez-le pendant qu'il est chaud, parce que c'est lourd. Bertha ? Oui, Fräulein. Quand est-ce que Bernard a dit qu'il reviendrait ? Et bien, je ne demande rien à vous. Je m'adresse à Bertha. Alors ? Bon, alors, c'est-à-dire, quand Bernard sort, on le sait. Mais quand il rentre, c'est beaucoup plus vague. Il aurait quand même pu me le dire. Oui, mais ça s'est fait brusquement, c'est l'imprévu, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, bon, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'imprévu, c'est une chose qu'on ne peut pas prévoir. Bah forcément, puisque c'est l'imprévu. Eh bah oui, parce que si on avait pu le prévoir, eh bien, ce ne serait plus l'imprévu. Ah bah non. Ah non. Ce serait ? Ah bah ce serait, laissez-moi réfléchir, on peut pas dire n'importe quoi. Hein. Ce serait autre chose. Bon, merci Bertha. De rien, Fräulein, de rien. Bon, en tout cas, si ça n'avait pas été à choucroute, moi, j'aurais été tout à fait ravi. Ah oui, de quoi donc ? Eh bien que Bernard ne soit pas là de dîner en tête à tête avec vous. Mais je vous en prie, ne vous fatiguez pas. Non, ne vous fâchez pas. Allez, tenez, faites-moi un petit sourire. Ça, vous êtes très très jolie pour une Allemande. Pour une Allemande ? Non. C'est ça ? Non. C'est ce que vous voulez dire ? Non, absolument pas. Vous interprétez mal ma pensée. Mais allons, vous croyez que je ne vois pas votre manège ? Pendant tout le repas, vous n'avez pas cessé de me faire des clins d'œil. Oui, avec des sourires bizarres et ambigus. Absolument pas. Oh, ne le niez pas. Vous me faites une course scandaleuse. Vous tournez autour de moi comme... un homme des cavernes autour de son feu. C'est parce que vous me plaisez bien. Mais ce n'est pas une raison. Même si je vous plaisais beaucoup, vous ne me plaisez pas. Alors bonsoir. Ah mais non. Attendez. Si nous étions intelligents, je sais ce que nous ferions. Ah oui, quoi donc ? Nous sortirions, tous les deux. À cette heure-ci ? Bah quoi, il n'est pas tard. Il fait nuit, on ne voit rien. Ah, on n'a pas besoin d'y voir. C'est juste histoire de respirer en tout bien, tout honneur, naturellement. Naturellement. Oh, qu'est-ce que vous craignez ? Vous êtes assez grande pour vous défendre, si vous avez peur que je vous fasse la cour. Je vous défends de me faire la cour. C'est un petit peu un jeu. Oui, je sais. Un jeu français. Mais un jeu dangereux. Ah, pour vous, puisque vous avez Bernard. Oui, parfaitement. Mais si ce jeu n'est pas dangereux pour moi... D'abord, il ne m'intéresse pas. Et puis, il est malhonnête, ce qui est encore pire. Bah, quand vous m'avez embrassé. Par erreur, ne l'oubliez pas. Quand vous m'avez embrassé deux fois. La première, par erreur. Et la seconde fois, parce que vous avez usé d'un chantage odieux. Mais je ne chanterai plus. Ah bah si. Si, venez chanter avec moi à la campagne. Mais c'est une idée fixe. C'est une idée romantique. Assistas. Oh oui, vraiment, vous en avez l'air romantique, là. Rouge et congestionné comme vous êtes. Mais eh ben, c'est pour ça que j'aimerais sortir prendre l'air. Mais je ne vous en empêche pas. Oh, mais pensons-vous. Allez, s'il vous plaît. Soyez gentille. Vous ne me ferez pas la cour. Promis, juré, parole d'honneur. Bon, alors un tout petit tour d'une heure et on revient. Oh, merci. Merci beaucoup. Oh, mais pouvez-vous me laisser, voyons. Elle est belle, votre parole d'honneur. Non, excusez-moi, ça m'a échappé parce que je suis content. Je vous demande pardon. Non, ça suffit. Et que nous serons dans votre voiture, vous me sauterez dessus et je ne pourrai pas descendre. Impossible. Je ne vous crois plus. J'ai pas de voiture. Et on pourra prendre un taxi. D'accord, il y aura le chauffeur, mais on pourra l'asseoir derrière. Non, c'est fini, vous m'entendez, fini. Qu'est-ce que c'est que ces manières de vandale, mais... Vous êtes infernal à vouloir me séduire. Ah, vous voulez que je sorte ? Eh bien oui, je vais sortir, mais sans vous. Non, écoute... non, rien, vous êtes un sale bonhomme. Je peux desservir le café. Allez-y, Bert, desservez tout ce que vous voulez. Écoutez, ma petite Juju. Qu'est-ce que c'est que ces familiarités ? C'est pas ce que je voulais dire. Rien du c'est tout. Pas ça. Non, attendez. Non, je vais... Non. Elle a pas l'air contente, la petite Juju. Non, ça, elle ne l'est pas, mais elle est bien charmante quand même. Ah, elle vaut bien les deux autres. Allez, tenez, buvez, ça vous remettra. Merci. J'ai entendu qu'elle sortait. Oui. Vous allez avec elle. Ah, ça non, elle ne veut pas. Oh, wow, mon pauvre monsieur. C'est encore vous qui allez réceptionner l'américaine. Ah non. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? C'est sûr, je ne peux pas abandonner Bernard. Ah bah non, ça vous pouvez pas. Et puis, je ne fuis pas devant le danger, moi. Et qu'est-ce que vous faites ? Je fais face. Bravo. Bonsoir. bonsoir, Miss. Bonsoir, mon petit Bertie. Comme c'est bon de se retrouver de nouveau chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Miss? Oh, bien, alors qu'il est, je devrais déjà être tranquillement dans mon lit à Los Angeles. Mais une terrible tempête de neige nous avait fait un demi-tour sur l'Atlantique Nord. Alors me revoilà ici pour la nuit. Bernard n'est pas là? Non, justement, il a dû sortir. Pour affaire. Ah bon, pas longtemps, j'espère. Sûrement pas, hein? Ah non, sûrement pas, hein? Ah, ici, c'est merveilleux. C'est la vie calme, sans imprévu, sans à-coup, n'est-ce pas? Ici, c'est le calme plat. Archi plat, même. J'adore me retrouver chez moi. Home, sweet home. Je suis claquée. Où est-ce que vous allez? Je vais me mettre à mon aise, dire me délasser. En face, en face. Quoi, en face, en face? Allez, en face. Bedroom. Moi? Ben oui, vous. Et pourquoi faire? Pour vous délasser. Mais notre chambre à Bernard est à moi, si c'est là. Oui, je le sais, mais il me l'a donné. Comment? Et oui, parce qu'il a dit. Il a dit. Il a dit. Ouais. Comme ça. Il a fini comme ça. Tric, paf, tac. Un coup près, lec. Oui. Hein, Robert? Oui, c'est vrai. Merci. Alors, donc il a dit. Il a dit Robert. Oui, ça c'est bien Robert. C'est bien Robert. Il vous a rappelé Raoul, c'est un peu nul, hein. C'est jeune, c'est gay, c'est frais. Bon, allez-y, Robert. Allez, Robert. Donc, il a dit Robert. Oui, ça, c'est bien, vous l'avez déjà dit. Puisque Jeannette est en Amérique... Ah, c'est pas mal, ça. Allez, continuez, Robert. Là, c'est bien, vous êtes bien parti. Allez-y, Robert. Donc, vas-y, Robert. Oui, où ça, en Amérique? Non, vas-y, Robert, prends ma chambre, c'est la plus belle. Voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est un peu long, mon vieux, fallait plus vite. Donc, je m'y suis installé. Oui. T'as bien déménagé en face, puisque je suis de nouveau là. Impossible. Impossible. Quelle drôle de manière, je vous dis, puisque je suis revenu, rendez-moi ma chambre. Non, parce qu'il faut attendre que Bernard revienne. Oh ben oui. Oh ben parce que Bernard a donné des ordres. Oh ben ça, on peut pas changer comme ça. On peut pas. C'est pas possible. Mais c'est incroyable. Enfin, est-ce que c'est l'homme ou la femme qui commande dans une maison? C'est l'homme. Mais non, justement, c'est la femme. À London. À London, je ne sais pas. Mais en Amérique, c'est la femme qui commande et l'homme s'incline sans discuter. Sans discuter. Sans discuter. L'homme, c'est l'argent. La femme, le cervelle. Oh, ben ça, c'est normal, hein. Bon, ben c'est comme ça en Amérique. Alors, laissez-moi entrer dans ma chambre et puis allez en face. Oui, bien sûr, oui. Sauf qu'ici, nous sommes en France, n'est-ce pas? Oh, ça, il n'y a pas de doute. Et en France, l'homme qui commande, je suis désolée. Ah, vous avez tort. Laissez-moi manger quelque chose, car je n'ai pas encore dîné. Et vous verrez que vous me rendrez ma chambre quand je vous aurai persuadé que j'ai raison. Nous verrons. Qu'est-ce que vous avez à manger, Bertie? De la choucroute et des francs-forts. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que vous avez de la crème châtelet? Comme dessert. Oh non, pour manger comme légumes. Ah, pour tremper de... Oh, quelle horreur! Mettez les couverts là! Non! Allons à la cuisine, ça ira plus vite. Ah bon? Bien, je dînerai à la kitchenette, alors. Sur le doigt. Sur le doigt? Mais oui! Oui, sur le pouce! Il comprend jamais rien, lui. Il est lourd! Oh. Non! Il suffit de s'entendre! Voilà, je suis prête. arrête. Moi aussi. Ah non, je vous prie de me laisser tranquille. Je n'ai plus aucune confiance en vous. Et je sors seule, c'est clair? Oui, mais alors qu'est-ce que je vais dire à Bernard? Vous lui direz que je suis sortie? Eh bien non, parce qu'il m'a dit de prendre soin de vous. Vous avez une drôle de façon de prendre soin de moi. Avec une drôle de lumière dans vos vilains yeux châtaignes. Non, ils sont pas châtaignes, ils sont noisettes. Oui, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Venez les voir à la lumière, verrez, ils sont noisettes. Quand même, je le sais, c'est pas compliqué. C'est... Regardez. Vous avez vu, c'est Nuts. C'est très joli. Oh, qu'est-ce que c'est que ce sac de la VN? C'est à moi. À vous? Eh bien, oui, c'est... À moi. Qu'est-ce que vous faites, vous, un homme, d'un sac comme ça? C'est là-dedans que je range mes petites affaires. Mes petites affaires toilettes. C'est mon pyjama. C'est ma sauvedette. C'est ma brosse à dents, c'est du dentifrice, c'est un petit peu de linge, et mon blaireau. Vous voyez quoi? Mais quelle drôle d'idée. Bah de quoi? Mais de faire de la publicité à une compagnie américaine. Oh, oui, ça s'est trouvé comme ça. Oui, bien sûr. Mais si vous étiez patriote, vous prendriez au moins un sac d'une compagnie française, c'est plus normal. J'y avais pas pensé. Ce n'est pas à votre honneur. Il est vrai que votre honneur... Ben, j'espère qu'en France, ce n'est pas l'habitude des hommes de fouiller dans le sac des mademoiselles, n'est-ce pas? Je demande pardon. Je vous demande si vous fouillez dans mon sac. Moi? Ben oui, vous. Pourquoi me demandez ça, voyons? Ben, parce que je vous vois crispé sur mon sac. Ah oui, c'est vous, ça va, excusez-moi, c'est pas non plus. Bah, et de toute façon, je vous signale que je n'ai jamais d'argent, je paye tout par carte. Ah, mais vous avez raison, la carte est un moyen très pratique. Oui, à part un bâton de rouge et un stylo Parker et quelques petits vêtements personnels pour la nuit, je n'y ai qu'un peu de monnaie américaine et française pour payer mes taxis. Oh, taxis? C'est tout. C'est tout. Vous pouvez me croire. Ah, mais je vous crois, voyons. Alors laissez mon sac. Hein? Là. Non, pardon, non, excusez-moi, non, c'était imaginal. Ah, c'est vrai, non, je le tenais, ma chérie. Vous n'allez pas quand je fuis dans votre sac. Mais non, voyons, je vous faisais courir. Bon, pardon. Marcher? C'est ça, voilà, ça revient au même, mais en plus lentement. Vous prenez quelque chose? Volontiers. Scotch? Très bien. Alors, est-ce que vous avez réfléchi? À quoi? Qu'est-ce que je vous disais au sujet de la femme américaine par rapport à l'homme? Ah oui, bien sûr, je suis d'accord. Ah, et vous avez changé d'avis? Non, c'est-à-dire que votre méthode a seulement ses avantages et ses inconvénients. Oh non, il n'y a pas d'inconvénient. Pour que tout marche bien, il faut que la femme commande. Et Bernard est d'accord? Si Bernard est d'accord, tout est parfait. Ainsi, si je voulais m'installer dans notre chambre, je m'y installerais. Ah ben oui, parce que maintenant qu'elle est, pourquoi pas? Et sans attendre que Bernard revienne et me donne son accord. Je suis sûre que s'il m'y trouvait en revenant, ça lui ferait une surprise. Oh, ça c'est sûr! Et même une grosse! Et il ne me reprocherait pas de vous en avoir délogé. Mais... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est à moi! Ah, Ben oui, à moi, c'est là-dedans que je range mes petites affaires. C'est mes petites affaires toilettes. C'est mon pyjama, ma savonnette, ma brosse à dents, du dentifrice, un petit peu de linge et mon blaireau. Vous voyez quoi? Ah oui, je vois que vous êtes très bien installé dans ma chambre. Et je vous la laisse puisque Bernard vous l'a donné. Ah non, je ne voulais pas vous en priver. Oh, du tout! Et je vous offrirai même un sac de la VAL pour mettre vos petites affaires. C'est très gentil, mais le mien pour qu'en faire d'usage. Bon, bonne idée d'avoir un sac d'une compagnie allemande. Mais je sais bien, mais ça s'est trouvé comme ça. Alors. Dans le nôtre, il y a une petite poche intérieure avec une fermeture éclair. C'est très, très pratique. Et le vôtre, c'est comment? Donnez aussi à des poches! Il y a des poches comme ça, il y a des poches comme ça, il y a des poches comme ça, il y a 10 poches comme ça, il y a plein de poches, c'est rempli de poches. C'est un sac à poche. Faites plaisir, mon cher Robert, et vous accepterez celui que je vous donnerai. C'est bien pour faire plaisir, alors. Vous avez raison. Un homme ne doit pas refuser un cadeau de la part d'une femme américaine. Ah bon, pourquoi? Oh, bah parce que c'est très rare qu'une femme américaine fasse des cadeaux. Mais vous ne regrettez pas le sein de votre mère. Is it possible to repeat? Oui, vous m'avez dit non quand j'ai voulu entrer dans ma chambre. Et vous n'êtes pas un baby. Et si vous dites non, vous êtes un homme. Ah oui, c'est ça, voilà, un homme. Enfin, je crois. Mais vous, on se demande pourquoi l'Amérique est un grand pays. Oh, ben oui, en effet, oui. Sans se demande. Eh bien, c'est tout simplement parce que les hommes américains restent des babies toute leur vie. Si longtemps que ça? Chez nous. Et la femme est la plus forte parce que l'américain lui dit toujours oui. Alors, en exigeant tous les jours davantage, elle peut faire travailler l'homme jusqu'à l'épuisement total. Et l'homme ne se plaint pas? Oh, si, mais quand il ne veut plus dire oui ou qu'il est épuisé, nous demandons le divorce. Pour cruauté mentale et notre mari de ne payer une pension. Et s'il ne paie pas? Ah, ben alors il va en prison. Pour ne pas aller en prison, il paye et donc il travaille, donc il produit. Et c'est pour ça que l'Amérique est un grand pays. Oh! Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous voulez épouser Bernard? Ah, mais je ne veux pas l'épouser. Ah non? Mais non! Si je me marie, je n'épouserai qu'un Américain, parce que ce sont les seuls qui disent toujours oui. Alors, excusez-moi. Oh, femme. Ah, bah oui, naturellement. Mais Bernard est un Français, et ce n'est pas un baby. Il m'a dit non, et c'est pour ça que je l'aime. Parce que les femmes américaines n'aiment pas les hommes américains. Bien sûr que non. On ne peut pas aimer et faire produire en même temps. On a un sentiment pour quelqu'un qu'on aime. Mm. Mais pas pour quelqu'un qui produit, voyons. Eh ben oui, en effet. Oui, c'est possible. Oh, redites ça. On dirait quoi? Oh, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que votre bouche prend une très jolie forme quand vous dites ce mot-là. Ah bon? Mais redites-le. Allez! On dirait quoi déjà? Oui, c'est possible. Alors, oui, c'est possible. Oh, mais votre bouche a vraiment une forme ravissante. C'est vraiment. Radicule encore. Encore? Alors, attendez, ça, là, c'est pas pareil. Hein. Oui! C'est possible! Oh, mais on aurait tout à fait une fleur qui bouge! Alors là, vous me gênez! Là, non, je vous assure! Mais non! Est-ce que vous avez déjà embrassé une femme américaine? C'est-à-dire qu'ex, l'occasion ne s'est pas présentée. C'est dommage. Ah bon, pourquoi? Parce que nous sommes très rationnels dans les choses de l'amour aussi. Pardon? Vous allez voir. Alors? Alors quoi? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Viens dire. Étonné par la technique époustouflante. Sans aller jusque-là, mais disons que ça surprend quand on ne s'y attend pas. Ah bon, alors maintenant vous vous y attendez. Vous allez recommencer. Mais je veux que vous me disiez ce que vous pensez de ma technique. Oui, bien sûr, mais moi je ne suis pas un expert. Ah ben c'est pour ça que c'est intéressant. Ben non. Ben non, parce qu'on ne va pas s'embrasser comme ça sans motif. Vous êtes fou? Pourquoi? Mais vous ne me plaisez pas. Ah non? Et seulement vous n'êtes pas répugnant. Quand heureux. Et je ne vous aime pas, alors je peux vous embrasser. Oui, bien sûr, mais c'est... Ah, c'est comme... Comment vous dire voilà, c'est... Chine. Dans nos contrées, quand on embrasse les gens, c'est justement parce qu'on les aime. Oh non, moi j'ai pas d'avis impartial. Vous comprenez, Bernard, je l'aime, il m'aime, il ne peut plus juger. Il n'a aucun élément de comparaison. Mais vous croyez ça? Naturellement. Naturellement. Oui. Et tandis qu'entre nous, il n'y a rien, n'est-ce pas? Rien du tout. Aucun sentiment. Aucun. Et donc, et nous pouvons nous embrasser techniquement pour nous faire une opinion. Une opinion technique. Ah bah oui. Alors, vous êtes prêts? Allez. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mieux que la première fois. Ah, vous trouvez? Oh bah oui, parce que, disons que, bon, je m'y attendais, je n'ai même pas bénéficié de l'effet de surprise. Alors, techniquement, ça vous paraissait comment? C'est la pure technique américaine. Oui. Écoutez, ça a l'air assez au point. Parce que ça me sonnait un peu dans les oreilles. Ah bon? Et comme ça? Si c'est pas malheureux de voir ça, franchement. Alors comme ça, des compliments. Je veux dire, ça me sonnait encore plus fort dans les oreilles. Et j'ai même entendu des voix. Oh, bien, je suis ravie que ça vous plaise, ravie. Il faut que je vous embrasse pour ça. Non. Mais pourquoi? Non, voilà, parce que pour tout vous dire, j'ai peur que toutes ces techniques-là, ça finisse par me donner des idées. Oh, ben, il ne faut pas avoir d'idées. Et la technique du baiser repose justement sur le manque d'idées. D'accord. Mais à quoi ça sert toutes ces techniques si c'est pas pour donner des idées? Et pas à passer le temps. Ah bon? Quand on est avec des gens qu'on n'aime pas, on ne peut pas toujours jouer à Gin Rummy, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas. Surtout si on ne sait pas y jouer. Alors quand on rencontre quelqu'un comme vous, par exemple, et vous avez une bouche intéressante, on en profite. Pour faire un peu d'exercice. C'est ça, voilà, et vous permettez. Allez-y, je vous en prie. Oh là là là là. Avec tout ça, j'avais oublié mes clés, moi. Alors, t'es là, toi? Oui, chérie, tu vas bien? Bonsoir, Bernard Darley. Bonsoir, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être dans l'avion en train de voyager, toi, à ce temps-là, non? Ah, bah oui, mais j'ai téléphoné et tu étais sorti. Il y avait de la tempête de neige. Il y a de la tempête de neige, Robert. Lâche. Quoi? La chaise. Ouais, je lâche la chaise. Où étais-tu? Ouais, j'étais le... Ça va, toi, sinon? Mais oui, mais tu as l'air un petit peu agité, là. Non, je suis très calme. Quoi de neuf? Situation stationnaire. Pas de pépins dans nos affaires. Pas pour le moment. Justement, ton ami et moi, nous étions en train de parler. Et bah oui, nous parlions en t'attendant. Mais je t'attendais avec impatience, chérie. Je m'ennuyais. Bah tu vois, j'arrive à point. Je t'emmène passer la nuit tout de suite à Saint-Germain. Pourquoi, chérie? Alors ça, c'est une idée qui me vient comme ça. Oh oui, puis c'est une bonne idée, ça. Ah là, mais ce serait amusant, hein, ça changerait. Oh oui, ça change, puisque tu as donné notre chambre à ton ami. Tiens, nous coucherons là, ce serait follement drôle. Ah, bah c'est-à-dire que... Que quoi? Que quoi, que rien, que si, mais si. Ah, mais si, parce que tu sais, tu m'as dit qu'il y avait du bruit dans celle-là. Et puis attends, surtout, tu as quand même dit à Berthe qu'elle pouvait y coucher. Moi j'ai dit ça. Eh ben oui, souviens-toi. Au lieu de rester dans sa chambre. Ouais, je m'en souviens. Berthe, elle voulait changer. Oh, c'est normal, hein. Toi tu voyages tout le temps, tu te rends pas compte, hein. Berthe, elle voyage jamais. C'est une femme qui voyage jamais. Et elle a pris son petit sac à dos, elle me dit tiens, je pars là-bas, je voyage un petit peu. Bon, mais... Toi, alors, où est-ce que tu aurais couché si tu n'étais pas revenu? Avec Robert? Non, enfin, sur la cour. Mais sur la cour, avec Robert? Mais parce qu'il n'y a pas de bruit, ça me changeait. Allez, viens, massage à main, mon cœur. Ah non, il est tard, darling, restons ici. Je vais mère prend un bain et on va se coucher dans la chambre sur la cour. C'est horriblement excitant, tu ne trouves pas? Mais non, mais non! Alors, obéis! Ou je dors dans ce fauteuil! Ah, non, surtout pas! Monsieur n'a plus besoin de moi. Non, ça va, merci. Parti? Yes, miss. Lady Pride dans la chambre sur la cour? Oh, bah non. Il n'y a pas marqué tape hôtel, là, hein? Et où est-ce que nous allons dormir alors, puisque Bernard a donné notre chambre à son ami? Ah, vous avez donné? Oui, j'ai donné! Oui, il a donné! Voilà! Nous n'allons quand même pas coucher avec vous, là, Bertie! Avec moi? Eh bien oui, puisque c'est vous qui couchez là. Moi? Ben évidemment, voyons, mais c'est vous-même qui me l'avez demandé. Moi? Mais oui, pour changer de paysage. Moi? Oui, vous, j'étais là. Oui, c'est clair. Ah, non. Ah, si. Ah, bon. Alors allez, préparez la chambre sur la cour. Ben j'y vais, monsieur, j'y vais. Venez, Bertie, je vais vous aider. Oh, je veux bien parce qu'en ce moment, je suis un petit peu débordée. Ah, oh, comment ça? Mais c'est-à-dire que je suis fatiguée. Vous savez, c'est une vie très difficile pour une bonne ici. Ah oh, oui, ça, je sais. Si j'étais tout le temps là, ce serait différent. Mais pourquoi n'est pas tout le temps là? Où est-elle? Qui ça? Y'a qui? Mais j'en sais rien, moi, je dois te demander à Saint-Germain. Mais attends, mais j'ai essayé. Y'a rien à faire. Elle m'a fait une histoire en restaurant, en plein milieu du repas. Là, voilà qui se lève et qui part. Le temps que je sors dans la rue, elle a disparu. Alors, bon, je lui ai dit de sortir se promener. J'ai voulu l'accompagner, j'ai même essayé de lui faire la cour. C'est pas fou. Pardon? Non, rassure-toi, uniquement pour aider les choses, mais qu'est-ce que tu veux? Elle l'a très mal pris, elle n'a rien voulu savoir. Elle t'aime. Tant mieux. Et tant mieux, d'accord, mais moi j'avais l'air de quoi? Ah bah de rien. De. Que si, j'en avais exactement l'air, c'est très gênant. Tu me mets dans une situation avec tes trois numéros. Ah non, mais ça, je commence à me demander si mon système est vraiment très bon, hein. Bah attends, tu m'avais toi-même qu'aujourd'hui c'est exceptionnel. Écoute, je vais essayer d'emmener Jeannette à la campagne jusqu'à demain. Ça devient une manie cette campagne. Ah oui? Et comment tu veux faire autrement? Parce que si Jacqueline revient, moi je ne serai pas là. Et alors toi, tu ne sais rien, évidemment. Attends. Et si toi elle demande d'arriver en même temps, qu'est-ce que je lui dirai? Bah qu'est-ce que tu lui diras? Hein? Qu'est-ce que tu lui diras? Eh bah tu lui diras. Tu lui diras ce que tu voudras. Non, c'est facile à dire, mais je te préviens, c'est de la casse, je ne répondrai. Moi, je suis consterné, je suis en mes nerfs qui commence à lâcher, moi, papa. Moi? Non, écoute, moi, ça va. C'est sûr, ça me change de la vie, ex. Non, c'est vrai, attends, ici, c'est comment dire, c'est intéressant, varié, trépidant, excitant, mais, et puis je vais te dire, on voit du monde. Enfin, tu me diras, bien sûr, il y a des risques, mais qu'est-ce que tu veux, quand il n'y a pas de risque? Y'a pas de plaisir, et tu as voulu le plaisir. Ça y est, darling, c'est adorable, cette petite chambre sur la cour. Oh, c'est calme, c'est tranquille. Ah, ça ne vaut pas la campagne. Ah, on dirait que... Bah oui, on dirait que... Oui, on dirait que, oui. Viens vite dans notre petite chambre. Ah, sur la cour, j'adore ça. Non, mais sérieusement, monsieur, c'est une vie pour une bonne, ici. Où est-il? Qui ça? Bernard, bon, allez, moi, je vous laisse. Non, non, attendez, Berthe. Eh, bonne nuit. Pop. Alors, où est Bernard? Avec vous à Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pendant tout le repas, Bernard n'a pas cessé de me dire qu'il n'y avait rien de tel que la campagne, et il insistait comme s'il avait quelque chose à cacher. Oh, qu'est-ce que vous voulez qu'il a vous caché? Mais justement, je sais bien qu'il n'a rien à cacher, je le connais. Mais cette insistance m'énerve. Plus on me dit de faire les choses, moins j'en ai envie. Je suis comme ça, c'est ma nature, on ne se refait pas. Jacqueline, c'est ma chambre. Oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, mais moi, je sais plus où j'en suis, je suis si énervée. Oh, il ne faut pas, voyons. Mais si! Il m'a tellement agacée que je n'ai même pas fini de dîner. Je suis sortie prendre l'air et quand je suis rentrée dans le restaurant, il n'y était plus. Vous trouvez pas ça insensé? Ah si. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il vous aime. Mais moi aussi, je... D'ailleurs, toutes ces histoires n'arriveraient pas si nous étions tout le temps ensemble. Je sais qu'il est là tout seul quand je suis à l'autre bout du monde. Je me demande ce qu'il fait, moi je m'inquiète. Ah ben, lui aussi il s'inquiète. Je vois. Ah si, c'est sûrement pour ça qu'il a insisté pour vous emmener à la campagne, pour calmer vos inquiétudes mutuelles. Au lieu de me contrarier tout le temps, ce sera si simple qu'il m'épouse. Il est simple. C'est aussi votre avis? Non. Avouez que c'est ridicule d'attendre de rester séparés comme ça tout le temps. Ridicule. Enfin, quand nous serons mariés, ça changera. Heureusement. Bonsoir, mon petit Robert. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est à moi. À moi. À vous? Eh ben oui, à moi, c'est là-dedans que je range mes petites affaires. C'est mes petites affaires de toilette. C'est mon pyjama, ma savonnette, ma brosse à dents, du dentifrice, un petit peu de linge et mon blaireau. Mais quelle idée! Bah quoi, c'est pour des fondus? Non. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est un sac de femme. Alors, dans vos mains, comme ça... ça fait drôle. Bon, je ne suis pas ce que vous croyez. Mais je ne crois rien. Bien. Ne m'en veillez pas, mais je vais me coucher. Très bien, passez une très bonne nuit. Quand Bernard arrivera, vous lui direz qu'il vient de me demander pardon, qu'il m'a fait beaucoup de peine. Très bien, je lui dirai, enfin si je le vois. Merci. Bonsoir, mon petit Robert. Bonsoir. Mais laisse-moi passer! Oh! Non, chérie, je ne vois absolument pas l'utilité de la Saint-Germain au lait. Alors que nous sommes si bien ici. Et vous ne trouvez pas ça ridicule? Vous savez, moi, je n'ai plus aucune opinion. Voilà, il est de mon avis, naturellement. Ce serait beaucoup plus agréable la campagne, c'est tout. Non, j'adore cette jambe sur la queue. Et je vais prendre un bain. Elle est butée, on peut rien leur faire. C'était Jacqueline. Comment Jacqueline? Comment Jacqueline? On avait chanté Judith et Jacqueline, et c'était Jacqueline. Ça peut pas durer comme ça, ça va péter d'une minute à l'autre. Alors, attends, calme-toi. Je sais à quelle heure qu'il est, ton allemande est sur le chemin du retour. Alors pas de panique. Ou c'est la fin de tout et la mort du petit étalon. Te voilà à toi. J'arrive. Eh bien, tu peux te vanter de m'avoir énervé. Moi? Parfaitement, me plaquer en plein dîner. Mais c'est pas moi, c'est toi qui as parti. Mais moi, je suis revenue dans le restaurant et tu n'y étais plus. Tu as braxé le comble. Ah, attends, tu montes sur tes grands chevaux. À quoi cette histoire de Saint-Germain? Mais il y a de quoi? C'est quand même pas la peine d'avoir un appartement comme le nôtre pour aller coucher à la campagne. Comme si on devait se cacher pour s'aimer. Chut. Ne t'énerve pas! Il n'y a pas de chute, je ne veux pas me cacher pour t'aimer! Chut! Toi, oui, sans doute. Tu dois avoir honte. Honte de ne pas m'épouser. Oh, mais non, mais écoute, c'est très gênant cette scène devant notre ami. Je suis sûre qu'il est de mon avis, n'est-ce pas? Oula, attendez, vous savez, moi, je ne me mêle pas des histoires d'amour. Voilà, il a dit le mot. Notre histoire est une histoire d'amour, et un amour ne se cache pas, il s'étale en pleine ville au grand jour. Oui, bon, je t'en prie, calme-toi. Eh bien, justement, pour me calmer, j'allais prendre un bain. Ah, mais on va prendre un bain. Ah! Mais pourquoi? Vas-y, il y a ça. Parce que c'est lui qui... Qui quoi? Oui, quoi? Lui qui veut en prendre un maintenant! Mais bien, il le prendra après! Non! Comment? Non. Oh, ça alors? Ah, il a dit non, lui d'abord, hein. C'est notre autre, on peut pas. Hein. Mais vous pourriez me laisser votre place? Non, bon. C'est chacun son tour. Eh bien, il est galant, ton ami, c'est un vrai plaisir. Oh, mais non. Là, mais... là, là! Arrête, je me sers beaucoup mieux maintenant, Bernard Cherry. Vous avez de la chance. Tu viens, madame. Je viens de mon trésor tout de suite. Non. Ne me fais pas trop attendre, sans ça, je m'endormirai. Ah, mais non, mais non. J'ai une journée fatigante depuis ce matin, tu sais. Ah bon? Et moi, donc? Et la dîner n'est pas finie. Veux-tu encore à faire? Ouais, quelques petites choses avec lui. Ah bon, pas trop longtemps, j'espère. Mais non, mais non. Bonne nuit, dear Robert. Bonne nuit, bonne nuit. Attention. Ah, petit. Ces Américaines sortant du bain. Alors, elle, c'est quelque chose. Ah, elle est spéciale. Attends, elle est très bien et ton allemande n'est pas mal non plus. Ouais, enfin, personnellement, moi, je préfère Jacqueline. Ah, tu as raison, elle était pas tant de ça, y a pas à lire. Tu as su lui choisir. Oh. Maintenant j'y pense, maintenant que la voie est libre, elle peut aller se baigner. Je commence à m'habituer à ce va-et-vient. Ah non, pas moi, non. Écoute, va la chercher, non, parce que voilà, en fait, ça m'ennuierait qu'elle croit que je ne veux pas lui céder mon tour de baignoire. Non, vas-y toi, moi je regarde si rien ne traîne. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Robert. Qu'est-ce que vous voulez? Vous offrir mon tour de baignoire. C'est inutile. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Venez, Jacqueline. Vous êtes un grossier de personnage. Moi? Oh, mais non, mais arrête, on a voulu faire une blague. Non, mais c'est vrai, c'est moi qui l'ai poussé à dire qu'il voulait se baigner comme ça pour voir comment tu réagirais. Ah oui, eh bien, tu as vu. Oh, je t'adore, c'est bête. Oh, oui, si on ne peut plus plaisanter. Mais il fallait me dire qu'il s'agissait d'une plaisanterie, alors j'aurais compris. Oui, bien sûr, mais pour nous, hein, ça n'aurait pu être drôle. Et ben voilà, parce que vous ne seriez pas énervé. Parce que ça vous amuse de me voir m'énerver. Ça t'amuse? Oui. Non. Ah, il peut, mais non, pas du tout, mais c'est lui qui m'amuse. Non, ne dis pas non, voyons. Je vous fais toutes mes excuses. Allez, je te demande pardon. Embrasse-moi alors. Mmh. Voilà. Tu sais, Bernard, mmh. Il faut que tu m'épouses. Mais oui. Mais on y pense. N'est-ce pas qu'il faut? Oui, bien sûr, n'est-ce pas qu'il faut ça. Et vous êtes charmante, il ne vous mérite pas. Enfin, vous seriez à la place de Bernard, vous m'épouseriez tout de suite. J'aurais même pas attendu. Tu vois? Ton ami, lui et moi, il m'aurait déjà épousé. Ah oui? De quoi te mets-tu? De rien, elle me demande mon avis. Je lui réponds, j'ai bien le droit d'avoir un avis, non? Parce que je vais te dire, Bernard, tu es fait pour le mariage. Moi? Mais oui! Tu as horreur des complications, tu aimes les situations nettes. Tu es casanier, sans histoire. Tu es beaucoup trop nerveux pour supporter des histoires, d'ailleurs. Alors là, c'est tout à fait toi. Ah, oui. Mais oui, tu trouves, hein? Pas toi? Ah si, peut-être, oui. Tu vois, tu le dis toi-même. Oh, je te connais, va. Tu es le type d'homme d'une seule femme. Tu es le prototype du mari parfait. Oui, bon, n'exagérons rien. Non, mais c'est vrai, tu me flattes. Mais non! Je vais te dire pourquoi tu hésites à m'épouser. Ah oui, pourquoi? Parce que tu es honnête et scrupuleux. Tu veux être tout à fait sûr de pouvoir me rendre heureuse, voilà. C'est pas ça? Ah si. Mais ça, je veux dire, pour être psychologue, hein, c'est... Prodigieux, qui est psychologue. Ah, mais ce n'est pas pour rien que je suis française. Alors quand? Quand quoi? Quand est-ce qu'on se marie? Oh, mais bientôt, attendez encore un peu. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Scrupuleux, va, scrupuleux que j'adore. Tu verras quand nous serons heureux. Mais on l'est déjà. Ah oui, mais quand nous serons mariés, ce sera tout à fait différent, tu vois. Ça... Sûrement. Alors, des journées comme aujourd'hui, moi, ça me tue. Et toi, alors, toi, t'es là tout à fait décontracté. Quoi, c'est normal. Non, Robert. C'était que le signe d'un bel équilibre nerveux, voilà tout. Non, mais là, entre nous, Bernard, il doit bien exister un bon Dieu pour cette situation. Pareil, c'est quoi que moi, à ta place? Avec ton harem, je compterais plutôt sur Mahomet. Il a l'habitude de ces choses-là, lui. Et il faut qu'il se manifeste maintenant. Bien. C'est toi, ma chérie? Oui, tu vois. Viens avec moi, mon gars, viens. Non, il faut que je te parle. Oui, pas là-bas, on sait très bien. Viens. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es à tout ça ne va pas? Pas très, non. Mais qu'est-ce qui t'est pas allé vous reposer? Mais oui, viens te reposer un petit peu. Non, laisse-moi. Je suis malhonnête. Enfin, toi, malhonnête? Mais qu'est-ce que c'est que ces idées? Il n'y a pas plus honnête que toi. Ça, c'est vrai. Mais vous m'aimez pas de ça. T'as moi? Oui, vous, c'est à cause de vous que je suis malhonnête. À cause de moi? À cause de lui? Oui. Ton ami me plaît. Lui? Moi? Oui, vous. Eh ben, c'est parfait! Ah, moi aussi, s'il me plaît! Ça n'aimait pas tant. Oui, mais à moi, il me plaît autrement qu'à toi. Autrement, explique-toi autrement. Mais lui, il me plaît plus que toi maintenant. Alors là, je suis... Mais c'est faux, vous ne savez rien! Mais tais-toi, te mets pas de ça! Ça a l'air de me concerner un petit peu! Oui, je l'ai embrassé. Tu l'as embrassé? Parce que j'ai cru que c'était toi! Moi? Oui. De dos. Ouais, alors de dos. Et après, c'est lui qui a voulu et ça m'a plu. Et je l'aime, Bernard. Attendez. Moi, vous m'aimez? Oui. Alors maintenant, je ne peux plus être ta petite fiancée d'outre-Rhin. Tu comprends, n'est-ce pas? Oh, bah, c'est un peu brusque, hein? T'exagères quand même! C'est pas ma faute! Et toi, tu l'aimes? Elle me plaît beaucoup! Bon, alors, dans ces conditions, je ne veux pas être un obstacle. Merci, Bernard! Merci! Y'a pas de quoi. Ça ne te fait pas trop de peine? Ben, si, bien sûr. Allez, embrassez-vous, ça me consolera. Ça y est! Oh, pardon! Oh là là! Qui est-ce? Je te présente Robert. Robert qui vient avec sa petite fiancée, la fiancée de Robert, hein, mon vieux? Oui, c'est ça, c'est ma fiancée! Oh, mais je vous félicite! Si vous saviez comme je suis heureuse! J'en suis ravie pour vous, mademoiselle. Je vais vous voler aussi? Oui, c'est ça! Je vole également! Oh, pas possible! Oui, nous sommes consœurs en quelque sorte. Oui, ça, sûrement! Mais je suis enchantée de faire ta connaissance. Moi aussi, je suis ravie. Tu es en escale? Oui, je suis en escale. Et toi? Moi aussi. Mais alors, qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Eh bien voilà! En fait, comme j'étais là, elle est venue me voir, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça! Oh non, pas tout à fait! Pas tout à fait, mais quelques détails près. Dit que vous étiez fiancé? Robert? Moi? Vous êtes un cachotier. C'est parce que ça vient de se faire. Oui, à l'instant! Là! Ah non! Là! Mais vous avez été vite, le temps que j'entre dans la salle de bain, que je me baigne, et hop, vous voilà fiancé! Oui! Et hop, vous voilà fiancé! C'est un séducteur! Et où as-tu rencontré ce séducteur? Ici? Ici? Ah, mais alors, en somme, tu es venu voir ton fiancé ici au milieu de la nuit sans savoir qu'il y serait puisque tu ne le connaissais pas, c'est ça? Non, ce n'est pas exactement ça. C'est à cause d'un baiser, par erreur. Oui, bon, vous raconterez votre vie une autre fois, hein. Moi, je ne vois qu'une chose, c'est qu'ils s'aiment, ces deux-là. Alors, n'allons pas chercher à savoir pourquoi, on n'en finirait pas, hein. Bien, alors encore tout, mais votre bonheur. Bon, merci, et pour toi aussi. Oh, moi, je suis déjà comblée, n'est-ce pas, chérie? Oui. Comment? Mais oui, j'ai autant de chance que toi, Bernard et mon fiancé. Quoi? Oui, ah, là, c'est assez compliqué à expliquer. Oh là là, il est tard. Tu es la fiancée de Bernard? Mais oui, naturellement. Non, maintenant, on va pas discuter de ça maintenant. Mais non. Parce que justement, je voulais te dire que moi aussi, j'ai oui. Mais j'ai eu l'impression que vous vous plaisiez tous les deux dès que je vous ai vu, c'est vrai. Mais tu ne pouvais pas le savoir. Je ne vois pas en quoi ça te concerne qu'ils se plaisent. C'est vrai, c'est fou toujours qu'ils se mêlent de tout. Je te demande bien pardon, mais ce n'est pas exact. J'étais la fiancée de Bernard. Comment? Attendez. Je vais t'expliquer. Mais oui. Il va vous expliquer. Voilà. Bon voilà, j'étais fiancée avec elle, mais avant de l'être avec toi. Ah oui, et alors? Et alors? Je me doutais qu'elle l'aimait. Ah oui, voilà, c'est ça. Je ne le connaissais pas avant, c'est seulement après. Il n'y a pas d'avant d'après, le passé c'est passé. Il y a un fait, un seul, tu l'aimes. Et ça je l'avais deviné, tu comprends? Alors moi je me suis fiancé avec elle. Enfin, avec toi. Enfin, avec Jacqueline. Voilà, pour ne pas être plaqué par toi. Enfin, pareil, tu comprends? Pas du tout. Ah, ben c'est pourtant clair, hein. C'est lumineux. Et moi qui étais assez bête pour avoir des remords. Toujours ma franchise idiote, alors que tu étais fiancée. Enfin, Bernard a toujours été mon fiancé à moi, enfin, je suppose, ou alors tu es un menteur. À moi, un menteur. Robert, dis-lui. Dis-lui, Robert. Maman crucial, lâche pas tes amis, Robert, lâche pas. Robert, il arrête pas de rigoler, arrête de rigoler, Robert. Robert, arrête de rigoler. Robert, est-ce que je suis un menteur? Hé, dis Robert, je ne peux pas répondre à cette question. Tu vois bien mon meilleur ami qui parle, il me connaît, il le sait, lui. Moi, je ne comprends rien. Mais c'est très simple. Alors explique-toi. Mais non, il n'y a rien à expliquer, il y a à répondre par oui ou par non. Voilà, tu es fiancé avec Robert. Oui. Bon, tu es fiancé avec Judith. Ah ben attends, parce que... Oui, ah, oui, oui, oui, oui. Bon, et ben voilà, ben, qu'est-ce qui reste? Ah oui, toi alors, bon. toi, tu es fiancé avec moi? Oui, non. Mais oui, si, alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis fiancé, tu es fiancé, nous sommes fiancés, nous sommes fiancés, un point c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Faut que je vous parle. Demain. Non, tout de suite. Demain. Non, c'est un peu. Ces demoiselles se connaissent? Oui, elles font connaissance. Je vous présente la fiancée de Robert. C'est sa fiancée, vous n'entendez que ma voix, c'est sa fiancée. Oui, c'est ma fiancée. Mes compliments. Là, je vous présente... Oh bah la grande bleue, je le sais, la bleue. C'est vrai, ouais, je la tais. Chérie, tu viens, je tombe de sommeil. Ah, tout de suite, mon trésor. Vous viendrez me dire bonsoir, mon fiancé. Bien entendu. Alors à demain. Oui, à demain. J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Ouais. On s'en est pas trop mal tiré, Robert. Quoi, c'est encore vous? J'ai réfléchi. À quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est à moi. Les restes du passé de monsieur. Une compagnie écossaise. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais mon compte. Mais c'est pas le moment. Si, justement. Ah, ça, c'est pourquoi? Parce que je m'en vais. Enfin, comment ça? Votre ami se rend parfaitement compte qu'ici, j'y laisserai ma santé, n'est-ce pas, monsieur? Oh, non, putain, les Jérémy, allez, filez. Ah, c'est bien ce que je fais. Non, filez dans votre chambre. Ah, non, je regrette, j'ai qu'une vie et j'y tiens. Moi, mes nerfs n'y résisteront pas. Restez, je vous augmenterai. De combien? Attendez, on verra plus tard. 20%. 20%? Allez, hop, 20%. Oh, bah là, c'est d'accord, restez. Ah, bah, c'est d'accord. Oh, si j'avais su, j'aurais demandé davantage. Quoique, même avec 20% d'augmentation, ici, c'est pas une vie pour une bonne. Mais c'est fini, Bertha, la vie change. Trois femmes, monsieur, c'est trop dans un ménage. Mais c'est fini, je vous dis. Il vient de m'en prendre une. Ah bon? Bah, comment il a fait? Oui, bah, deux, c'est encore trop, voilà. Tu viens d'aller? Oui, tout de suite. Et puis, alors, on a Bah, je t'attends, laisse ton ami s'est couché. Tenez, mademoiselle, il y a une lettre pour vous. Pour moi? Oui, c'est une lettre d'Amérique. Ah, viens, tu l'as lire dans la chambre. Mais non, mais non. Ah, bah si, si, si. Allez la lire dans votre chambre. Oh, dear, dear. Quoi? Mais je ne peux pas te la dire. Enfin, je veux savoir, je suis ton fiancé. Oui, alors, contrairement à ce que disait monsieur, je vois que ça continue dardard comme avant. Mais non. Allez, moi, je m'en vais. Restez. Ah, Bernard, c'est merveilleux. Je suis amoureuse. Ah, oh, mais je le sais, ça, mon cœur. Oh, non, plus de toi. Bah. Mais toi, je t'aime beaucoup, mais ça ne peut pas durer comme ça. Je pars. Vous partez? Oui. Alors, je reste. Oui, j'ai rencontré il y a un an sur la ligne New York-Mexico un homme qui voulait devenir milliardaire avant de m'épouser. Il est riche maintenant, et il m'attend au Hilton d'Acapulco. Oh, bah ça, c'est une bonne chose. Non, mais alors, t'avais deux hommes à la fois dans ta vie? Oh, non, pas deux, trois. Bah, j'ai encore un autre fiancé à Los Angeles, mais maintenant, je veux le laisser tomber. Et hop là, encore une bonne chose, allez, bzzz. Je suis à celui qui épouse le plus vite. Oh, enfin, tu vas pas t'en aller comme ça tout de suite, c'est pas aussi simple. Oh, si, tout est simple. Il y a un Boeing à 23h. Bon, bah, je demanderai à prendre la place d'une amie, et à l'arrivée, je démissionne des hôtesses. Je suis faite pour une vie bourgeoise, moi. Une vie d'intérieur. Désolée. Minou, minou, minou. Non, mais ça alors? C'est la grande débâcle. Bon, alors c'est entendu. Monsieur n'a plus qu'une seule fiancée, Jacqueline. Vous voyez bien. Bien. Vous vous prenez toujours l'allemande? Je prends. Alors je reste. Et alors avec 20% d'augmentation. Alors là, ça va être enfin une vie pour une bonne. Et toi, tu trouves ça drôle, quoi. Eh bien oui, parce que tu arrives pas à force des choses à la solution de la femme unique au foyer. Ah, ça c'est vrai. Très franchement, dans le fond, ça me soulage. Ça. Bernard, j'attends, tu viens de me dire bonsoir. Ah, tout de suite, mon trésor. Mais il est tard, chérie. J'arrive, mon Bernard. Non, elle est merveilleuse. Attends, j'aimais beaucoup les deux autres, mais celle-là, je l'adore. Voilà, Bernard, darling, je suis prête. Je penserai à toi de temps en temps. Au revoir, monsieur. Au revoir, miss. J'étais très heureuse de faire votre connaissance. Moi aussi. Comment tu l'embrasses aussi? Ah, nous nous sommes très bien embrassés toute la soirée. Là, comme ça. Ah non, mais ça, c'est le comble. Alors, dans cette maison, dès que j'ai le dos tourné, c'est seul. Allez, allez, allez. Non, c'était de la technique pure. On faisait un petit peu d'exercice. Alors, au revoir, mes deux petits. Ça va te faire tout drôle de voir sembler toutes tes femmes les unes après les autres. Ah, mais tout drôle, hein, je peux te dire, tu permets. Je t'en prie. Allez, oui. Oui, c'est moi. Oui, t'inquiète pas, oui, je te reconnais. C'est mon ami Droissy. Raccroche. Allez, oui. Non, écoute-moi, mon ami. Non, non, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Non, je sais bien, non, mais ça m'intéresse plus, je me marie. Si, quoi. Elle fait pareil, Bombay, Singapour. Ah, ça, c'est une bonne ligne quand même, ouais. Ah, ouais, je sais, ouais, tu parles. Non, mais maintenant ça m'est égal, même si c'est une hindoue, arrête. Mais non, mais je m'en fiche qu'elle t'a bronzé les yeux bleus. Avec le petit point rouge entre les sourcils. Non, non, ça va, sont vraiment. T'es gentil comme tout. Mais non, plus maintenant. Prends les renseignements. Comment? Prends les renseignements, je te dis. Ah, t'inquiète pas. Non, mais enfin réfléchis, tu vas pas faire comme moi. Mais bah attends, je vais pas laisser passer une hindoue avec un petit point rouge entre les sourcils. Ah merde, prends les renseignements. Prends les renseignements, prends les renseignements. Allô, oui. Non, mais non, j'ai pas changé d'avis. Non, non, écoute-moi, par contre, ce serait pour un ami. C'est possible pour un ami? C'est possible. Bah oui, il est à côté de moi. Ah bah, tu penses qu'il va être content, t'es content? Il est content. Ouais? Eh bah, je te le passe, tu lui expliques tout, hein? Eh bah, ça marche, tiens, merci. Je te le passe, d'accord, merci. Ah bien, attends, quitte pas. Les fuseaux horaires! Ah bah oui, allez, à tout de suite. Allô? Et bonjour, monsieur, oui? C'est moi l'ami. Ah, où est-ce que je peux la rencontrer, cette hindoue? Vous avez aussi une anglaise? Et une italienne pour la... Ah, attendez, parce que là, il faut soigner des adresses. Robert, vous savez que je vous attends? Ah bon? Oui, parce que je voulais vous dire que maintenant que je vous ai rencontré, je ne pourrai plus jamais m'endormir sans que vous m'ayez souhaité une bonne nuit. Ah bon? Oui. Comme je ne pourrai plus jamais me réveiller heureuse si ce ne sont pas vos yeux noisettes qui me disent bonjour. Ah bon? Alors, depuis ce soir, je commence à vous attendre pour m'endormir. Ah bon? Ah bon? Non, non, non, allô? Oui, les adresses, oui, eh ben non, ça ne m'intéresse plus. Non, parce que j'ai trouvé toutes les femmes de tous les pays en une seule. C'est pas merveilleux, ça? Ah, si, tiens. Par contre, pendant que vous êtes là, est-ce que vous pouvez me rendre un petit service? Super, et eh ben voilà. Alors, est-ce que vous... Oh non. Allô? C'est pas vrai, ça. Allô? Alors, ça marche? Oui, bien sûr que ça marche. Alors, j'ai déjà une hindoue, une anglaise, une italienne. Peut-être une russe. Une russe, c'est rare. Ton truc est sensationnel. Mais non, le truc sensationnel, c'est moi qui viens de trouver. Une seule femme, ça c'est le bonheur. Chacun son avis. Comme tu voudras. En attendant, j'ai pensé à toi, comme je vais fêter mes fiançailles avec Jacqueline. Voilà pour mon ami Robert, cadeau. Oh, merci. Bah t'inquiète pas, jamais, c'est pas gênant, ça. Allez, bonne nuit, mon Robert. Et bonne nuit. Dors bien. Allez, hop, papa, t'attends. Attends, c'est le contraire. Ah bah oui. Ah, tu m'étonnes. Hé, dis donc, tu sais. C'est le contraire. Alors, c'est pour moi, c'est le restant des adresses. Ah, les adresses. Alors, je regarde. Les adresses. Les adresses. Tu m'étonnes. Allô. Oui, c'est moi, oui. Oui, on a été coupé. Oui, alors, voilà, dites-moi. Est-ce que vous pouvez me retenir pour demain deux places pour Aix, s'il vous plaît? Attendez. Aix-la-Chapelle. C'est possible? Super. Oui, bien sûr, oui. Le Boeing? Qu'est-ce que c'est? C'est l'avion. Bien sûr, oui, donc les billets à 10h d'embarquement, eh ben coûtez très bien. Eh ben nous y serons. Eh ben je vous remercie. À bientôt. Mais qu'est-ce que vous téléphonez si longtemps, Robert chéri? Je prenais rendez-vous pour nous. Avec qui? Mais Charlemagne, bien sûr. Où allez-vous? De... Attendez. Bien sûr que je vous attends. Alors? Alors quoi? Alors dites-le-moi. Ah oui. Vous dire quoi? Bonsoir. Oui. Bonsoir. L'amour est une chose sérieuse, chérie. Faut-il réfléchir maintenant que nous allons nous marier? On va réfléchir. Jacques. mais alors toi aussi? Eh bien comme tu vois, mon vieux Robert. Attends. Mon vieux Bernard. Mon vieux Robert. Mon vieux Bernard. Ah mon sacré Robert. Non, attends. Sacré Bernard. Oh le sacré Robert. Attends. Le sacré Bernard. Oh